16, parle de bataille de matériel, Materialschlacht, hein, de combat de matériel pour essayer. Mesdames, Messieurs, je suis heureuse de vous dire que cette semaine, sur la première chaîne, sur la deuxième chaîne, sur la troisième chaîne et sur la quatrième chaîne, eh bien, vous aurez du sport. Radio Sportaz, je me sens plus. Les principales dispositions de la LOPSI 2. Les principales dispositions de la LOPSI 2. Bientôt, en direct, sur cette antenne. Je suis impatient de l'entendre. Les principales dispositions de la LOPSI 2. Synthèse rédigée par le comité Liberté, Égalité, Justice, syndicat de la magistrature, mise en forme condensée par Alain. Sin respuesta y voy con viento en contra, cobrando mi apuesta. Yo solo quiero poder consumir tu cielo. Yo solo quiero conocerlo desde cero. Donde me puedes llevar, donde me puedes llevar, entregarme con todo mi anhelo. Au Sénégal, après avoir signé la chine. Y en línea recta, que sobre la respuesta que tu ego alimenta. No puedes ver más allá de tu existencia. No puedes saber lo que espera ver la meta. El silencio, puedes esperar en silencio. l'image. Hein, En Égypte, le Conseil suprême des forces armées a fait cet après-midi des annonces très attendues par la composition des équipes, la donnée. Les principales dispositions. When I know you're skanking with me, so good when I know you're skanking, so good when you do. Yes, it feels so good when I know you're rocking with me, so good when I know you're rocking, so good when you do. Yes, it feels so good when I know you're skanking with me, so good when I know you're skanking, so good when you do. Principale disposition de la LOPSI 2. Synthèse rédigée par le comité Liberté, Égalité, Justice. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. On the horizon, we come to burn bright. Pushing for the truth and the right. We come, we don't stop. Free flow, moving with the drop. Taking it to multiple directions, pulling you in with universal connections. Free, soul collective, I perspective, never dwelling on the negative. I respect this, beat this jam, putting in work for the monster plan, keeping it fresh for the head to be, non-stop drop. fenêtre. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. C'est de la musique libre, ça, Jacques. Tu fais oui de la tête. Libre, mais de qualité. Les principales dispositions de la LOPSI 2. Synthèse rédigée par le comité Liberté, Égalité, Justice, syndicat de la magistrature, mise en forme condensée par Alain. Présentation rédigée à partir du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, adopté au Sénat le 10 septembre et à l'Assemblée nationale le 21 décembre. Merci, monsieur. C'est tellement l'historiographe aujourd'hui, l'histoire d'en bas, l'expérience des combattants. Pendant ce temps-là, les joueurs sont rentrés sur la pelouse. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Dimanche 13 février 2011, nous sommes en direct et dans quelques instants, nous serons ensemble pour le deuxième match de ce tournoi des 6 nations qui opposera l'Irlande à la France. Alors d'un côté, une équipe dont on ne sait pas grand-chose, la France, de l'autre, une équipe dont on ne sait rien, l'Irlande. Jacques, à quoi peut-on s'attendre? Un trend simple qui suffirait non, de prolonger... Non, ça c'est pas Jacques, ça vous mourrez pas. je connais la voix de Jacques. Le rattachement direct à l'épaule de la main. Je vois pas ce que ça vient foutre. Adam, bonjour. Bonjour. Donc Irlande-France, les amis. C'est curieux comme ce match m'apparaît un petit peu anecdotique, dirais-je, dans cette compétition. Je ne vois pas ce que nous foutons là, tandis qu'arrive Angela Merkel et Sportaz en même temps. Angela Merkel, je ne vois pas ce qu'elle est venue foutre ici. Elle arrive, elle va venir saluer le malheureux mystique, tripoter la bourse sous le short. Et vous allez voir que ça devrait nous donner des images fort sympathiques. Sportage 708 maintenant. Nom de Dieu de merde! Elle est là, hein, Angela Merkel qui soupèse un peu les deux équipes du regard. Et me semble-t-il, nous allons avoir droit à un hymne, Jacques. Alors qu'est-ce que c'est que cet hymne-là? On teste l'hymne, Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis, on me signale que Jean-Louis n'est pas arrivé. Fichier. Jean-Louis n'est pas arrivé. Premièrement, fichier d'antécédents. Merci Jean-Louis. La loi recodifie et adapte les dispositions éparses qui portent sur l'alimentation du stick. Oui, oui. Heureusement que vous finissez bien, monsieur, parce que j'allais me mettre en colère. Ah, la composition. Restons caustique. La composition des formations dans la France avec Jean-Pierre. Jean-Pierre qui joue. Onalé et Jean-Pierre en seconde ligne. En troisième ligne, nous avons donc du foutoir. Ensuite, nous avons Ibagnol, me semble-t-il. Oui, Ibagnol, du foutoir et Bonnert. Marie de Ronorny. Trudic à l'ouverture et Clara Morgan. Quel magnifique duo. Rougifier. Non, Boucherie. Mitraille. Et Mitrouille. Boucherie, Trouée, ouais, la famille Huguet, Saint-Médard et Poitrine de Vaux. Poitrine de Vaux, bien sûr. Et merci Jacques de m'avoir aidé sur cette composition. Pas cuit. C'était le son de la composition de l'équipe de France. On va écouter désormais celle de l'équipe d'Irlande, plutôt la regarder. Arrêtez de toucher les boutons partout, là, faites tout sauter là. Ah bon? Ah ouais, j'ai plus rien dans les oreilles. Voilà, ça salue, hein. Bonjour, bonjour. Tandis que les reporters français continuent de discuter, j'ai l'impression que ce sont les deux reporters qui sont toujours retenus en Afghanistan qu'on a vu sur la gauche. C'est moins sûr. Hein, est-ce qu'on peut revoir cette image, Jean-Louis, s'il te plaît? Angela, donc. Angela, Aristo, Pichotina. Et remercie Yannick. Et voici la composition de l'équipe d'Irlande avec Michael Field donc, dedans. Il y a You're Simply the Best au milieu. Et ensuite, il y a Really. Really, Heavy. Heavy, il est là. Hein. O'Callaghan. Alors, O'Callaghan a surveillé hein, parce qu'il a un regard particulièrement douloureux à soutenir. Voilà, c'est Gros Mythe au milieu. Sex Toys qui joue aussi. Concerala. Oh, dis donc, le duel de Sex Toys et... Clara Morgan Parra, ça va être quelque chose. Et Aubricol, bien sûr. Hein. Terriblement dangereux comme un joueur. Moi j'avais au Bristol, hein, Jacques. Au Bricol. Au Bricol, pour vous. On fabrique le nom du joueur. Très bien, très bien. Je vérifie à l'instant même si les premiers messages affluent. Merci Jim. On va remercier Jim aujourd'hui spécialement, Jacques. Qui nous sponsorise, hein, nous a envoyé tout un tas de sons. Ouais, il nous sponsorise même. Aussi, hein. Et attention à lui, parce qu'effectivement, les sons musicaux étant estampillés droit d'auteur, pas libre, nous sommes obligés de donner l'IP hein, de Jim à la SACEM rapidement, si nous avons des soucis. Auquel cas, vous nous envoyez des sons, mais vous risquez la prison. Ouais, dis donc, on a un message apparemment qui nous vient de Tunisie, de Funky Vines. Sérieux, hein, Funky Vines qui nous envoie un petit message de Tunisie. Ouais, écoutez, apparemment, nous sommes retransmis dans le monde arabe, désormais un peu plus ouvert. Et donc, c'est parti pour cette retransmission. Bienvenue à toi, donc Funky Jane ou Funky Vines. J'ai du mal à retrouver les noms. Il faut dire que l'écran est petit ici. Et justement, monsieur, l'arbitrage principal, très important, 15. Oui, Jacques, oui, continue de faire les comptes. On se régale, on se le dit. Cette fois, c'est bon. Et oui, 708 pour ce Sportage, mais Jacques n'a toujours pas fini de corriger les phrases. Et en plus, ça m'a l'air du lourd. Ah, l'hymne de l'équipe de France qui va retentir jusqu'en Tunisie aujourd'hui donc, puisque Funky Vines vient de nous rejoindre sur le site à l'instant où je vous parle, la Marseillaise en direct de Dublin. D'ailleurs, Angela a dû confondre Dublin et Berlin. Marseillaise version basse-cour, hein Jacques. Drum and basse-cour. Ah, ça court, moi j'ai pas tout à fait tout dans l'oreille. Eh oui, c'est ça, un petit défaut de retour son dans le casque. Là, ça y est, ça commence à monter, ça commence à venir. Mettez tout à fond, voilà, tournez le bouton à fond. Allez-y, n'hésitez pas à monter les potards. Allons, enfants de la partie, le jour du match est arrivé. Contre nous, une équipe prête à nous en faire baver. Oui, on va écourter la Mars. Oui, enfin, on la laisse tourner gentiment. On évite de se l'approprier pour l'instant. Les élections, c'est encore dans un moment. Oui, et puis à force de toucher au symbole, ça pourrait nous retomber en pleine gaule. Oui. Ah oui, le symbole, la gaule. Bravo, Jacques. Hein. Bravo pour cette métaphore sexuelle absolument remarquable. Et l'hymne français vient de terminer. Nous partons directement au Bagdad Café. Plus il pourrait répondre. Oui, entrez, bienvenue, 5 euros l'entrée ici au Bagdad Café où ce soir a évolué Jumpball Peters. Oh là là, on a un petit problème de connexion, ça veut dire les lignes en est attentive. Merci Jackie de tenir l'antenne aussi élégamment. On écoute l'hymne irlandais un instant. Alors lui, ça va, regardez, c'est O'Connell. Regardez celui-ci, regardez cette gueule incroyable. Les Irlandais sont là à présent. Vous m'avez tout coupé là, encore une fois, vous arrêtez là. Nous avons un grave problème ça technique va mieux, aujourd'hui. Mais ça va mieux. Ça y est. Alors on voit un fidèle sous le tonnerre, des canons, un nom, les combattants canons, aussi, on a vu, l'éclat des billes. Ouais. Sous le ça tonnerre. Ça te fait du blin visiblement. The Best à Cantona, chantons le chant du son. La chanson du soldat. Ah mais Dieu, c'est vrai qu'il y a la traduction. J'avais pas vu ça. Nous venons de voir les anciens combattants. Écoutez l'hymne irlandais, il est pratiquement 16h. Vous nous rejoignez sur Radio France Musculture. Sports. Bienvenue à vous. Vous êtes, pour commencer cette retransmission, je vais avoir le chiffre très rapidement. On va surveiller ça, nous filons au rapport. Et si nous filons au rapport, vous êtes très exactement pour commencer cette partie, je vais vous le dire. Télé-Irlande, France, dans quelques instants. Ah, c'était bon. Bon, on va approuver ce message. Alors, nous serions... Vous seriez... Ah, vous souriez... Vous êtes... Moi j'ai toujours 11. Ça n'a pas bougé depuis. Vous êtes restés tous au cas où. C'est très bien, bravo. Bon, il y a combien d'hymnes en Irlande là? Parce que ça commence à faire beaucoup. C'est l'Eurovision qui a commencé ou... Non, là c'est l'hymne moderne. On a entendu l'hymne de l'ancien stade et là c'est l'hymne du nouveau stade hein, puisque c'est l'inauguration, l'hymnocuration. Ah bon? Ah, mais dis donc, t'es affranchi, t'es zig. C'est ah ouais. L'inauguration de ce super stade. Super stade! Est-ce que tu raccompagnes ce grand mouvement de l'histoire? Oui. Oh, il y en a en ce moment, il y en a partout du grand mouvement. Espérons que l'équipe de France sache elle aussi faire preuve de grand mouvement. Et donc c'est Monsieur Pharaon hein, qui est oui. Assisté de Monsieur Mommy. Oui, bien évidemment. Et Monsieur Mommy Blue de l'autre côté, qui lui chantera quelques chansons durant toute la retransmission et pendant que cette partie se déroulera, puisque ça va bientôt commencer. Oh, quelle ambiance ici au Magnum Café où je vous attends tous à la mi-temps. Aujourd'hui, notre série de portraits. On a fini notre série de portraits, donc on va pouvoir attaquer. Alors il y a des gueules hein, dans cette confrontation, je peux vous dire qu'il y a des gueules. D'accord. Des durs. Alors une équipe de France souffreteuse face à l'Écosse, une équipe d'Irlande douloureuse face à l'Italie. Jacques, ça nous promet pas grand chose d'extraordinaire cette affaire. Certes, nous sommes loin de la Saxe, nous sommes loin de la Bretagne, loin de la Corse, loin de la France profonde qui soutient cette équipe de France. C'est et toutes les équipes de France, hein, on aime soutenir le sport français maintenant. Ah oui, on s'y met. Hein, s'y met. On a eu du mal, mais maintenant, c'est à quoi que les handvaleurs, c'est pas tout à fait ça quand même. Si, il y a quand même eu de fortes retombées médiatiques. Oui, hein, oui c'est vrai. Ils sont venus à la maison, ils ont dîné l'autre soir. C'était vraiment attention, sympathique avec le time shift. Hein, time shift. On rappelle le time shift, c'est-à-dire que pour vous, le match a peut-être déjà commencé, donc vous arrêtez maintenant votre image. Et au moment où on dira time shift, eh bien vous reprendrez tout simplement le cours de votre retransmission si vous disposez bien évidemment de la boîte à des watts. Si vous souhaitez être calé. Avec nous. Mais vous pouvez également, si vous aimez rigoler, nous décaler deux fois plus. Eh oui, car pas de calé, hors zone. Oui. Oh là là. Merci Jacques. Attention, ça va commencer avec... Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Il essaye de planter le ballon. Oh, c'est quand même étonnant. La graine est attention, énorme. La graine du rugby. Time shift. Time shift. Précisément. Hein, précisément. Dès l'Irlande, François Foune, alors toi qui voulais regarder ce match et d'ailleurs qui le fait en noir et blanc, je m'amuse un petit peu à voir les maillots des deux équipes, ça va être un peu douloureux pour toi. Et c'était une première touche concédée par les tricolores, alors que lui il s'en est mis plein le nez. Hein. Il s'en est mis plein le nez de la paille. Il est prêt à moucheter. C'est quand même étonnant, belle prise de balle avec Otonel. Otonal. Air l'Irlande. Vu qu'il pèse bien quand même son bon quintal. Et sorti du ballon avec celui-ci. Alors celui-ci, c'est l'inspecteur, hein, c'est Callahan. Et c'est une monstruosité. Il aurait pu jouer dans Freaks avec le ballon qui est remonté par les Irlandais et Oti Mintz. Non, ça va être tranquille. Hein. N'oubliez pas qu'il y a Sextoy hein, qui joue du côté irlandais. Sextoy jusqu'à la balle et qui est... Oh là là, oui, Sextoy qui excite la défense française avec un bon ballon passé. Et ça continuera pour les Irlandais qui emballent d'entrée le match. Ça va, si va comme ça pendant 80 minutes, les gars, moi je vais commenter le okay. Garling. Hein, le, okay, parce que là, ça va beaucoup trop vite. Les Irlandais qui veulent nous défoncer l'entrée. Oh, c'est pas gentil. Alors qu'on vient en vacances chez eux, on vient dépenser un peu d'argent, on laisse quelques. Et finalement, ils nous regardent ça, comment ils massacrent la gueule. 22, à peine une 25, 6. Ouais, ils sont 7. Rentrés dans boucherie comme personne. Oh, oui, ça c'est bien joué avec ce petit redoublement à chaque fois. Et Sextoys qui est pris par Clara Morgan Parra. Qui peut pour l'instant pas grand chose face à la furie irlandaise qui attaque à mort pour emboutir l'équipe de France et il le fait bien. Oh dommage. Récupérade verte. Ah oui, ça, là, bien ça, ouverte. Ouais. Uh-huh, bon la défense dedans. Est bleue bien évidemment, vous l'avez compris, les Irlandais attaquants, les Français défendent. Jusqu'à quand vont-ils tenir sans prendre le premier essai très rapidement? Ce serait lourd, très lourd si on en prenait un tout de suite. Oh ouais, les Irlandais, il n'y a pas de round d'observation. Ouh, avec alors, Superbus. Là, et vas-y Coco. Oh il a pris le trou. Impérial, oh, ouais. C'est pas mal view. Il est passé, l'essai. Au moins est-ce que l'arbitre soit intervenu pour signaler un petit en avant de passe, ce qui ne m'étonnerait pas. En avant alors. Ouais, mais en tous les cas, d'entrée, les Irlandais montrent que il va falloir jouer si on veut gagner. À mon tour. Là, quand même, il échappe à trois plaquages. C'est un peu délicat. Même Clara Morgan qui essaye de se le prendre différemment. Dans la poche. Mille rien. 0-0. Oui, mais ben, c'est comme s'il y avait déjà 5 furtifs virtuels 0. Parce que finalement, là, les Français ont eu chaud la miche à mort. Et ce sera une mêlée. Ça va peut-être les réveiller tout de suite. Oui. On peut faire ça, Jacques, effectivement. Ça peut être très bon pour eux. S'ils ne se mettent pas d'entrée dans le match, ils risquent de ramasser très lourdement. Jean-Louis, hein, qui aura des pâquerettes là, en ce moment. Oui, William Sorin qui prend ses partenaires, c'est-à-dire la saucisse et le faillot. Il s'entoure parfaitement, William Sorin, attention. C'est parti pour le mêlée France-Irlande, the first. Voilà, encore aura des pâquerettes, Jean-Louis, à la réalisation. Sport à 708, 3 minutes et 10 secondes. Non, là, tu as encore touché quelque chose. Là. Ah non. Dès que tu appuies quelque part, ça modifie le cours du truc. Là. Il faut que tu arrêtes d'appuyer. Je ne sais pas sur quoi tu touches, mais arrête. Que dit monsieur Pharaon, Jacques ? Mêlée, remêlée. En égyptien, comment on dit mêlée en égyptien ? Je ne sais pas, coco. En disant pan, pan. Oui, il y avait deux belles poules. Effectivement. Ouais, enfin, belle poule, dis donc, ça dépend, faut voir. Oh, ah, y en a pour tous les gnous. Mêlée, hein, Jacques ? Alors, la mêlée, c'est un édifice important dans le rugby. Hein. C'est une construction moderne, la mêlée, avec le plancher ourdi, bien évidemment, le double vitrage et l'interphone. Voilà. C'est sorti pour la France. France. Oh, qui contre-attaque, qui la joue. Oh, là, en avant, Jerry. En avant dans les 22, ce qui n'est pas très très bon. Ah non, c'est pas bon du tout, là. Ah, cette fois-ci, on le prend. Ah, mes amis, cette fois-ci, on y a droit avec une petite balle un petit peu mal donnée. T'es irlandais, allez, le petit verre. Ça continue, vas-y, celui-ci n'est pas super. Oh, come on, baby. Oui. Oh, ils sont unis, les verts. Oui, merci, Jacques, pour cette magnifique goal. Et goal par l'Irlande, oui, sur la Furia, sur l'instant, il n'y a pas 5 minutes qu'on joue, on a déjà pris 5. Washington, 5 points par 5 minutes, on va ramasser, et c'est irlandais. Oh, my grandfather. Oh là là, la poitrine de veau qui s'est ramassée comme il faut. Et on voit gentiment cet essai au ralenti. C'est bloqué derrière. Ah oui, tu le bloques. Tu le bloques, hein, Jean-Louis. C'est un peu coincé derrière, effectivement. Alors, rampe-t-il ? Ne reprends pas les merguez, c'est dégueulasse. Ne reprends pas les merguez. Le conseil du gastronomique avec Sex Toys. T'es obligé de remixer les morceaux, ça se t'aime. Ouais, j'ai compris, oui. Comprenez-nous. Ça aussi, c'en est un. Pendant ce temps-là, eh bien, on discute sur la pelouse, puisqu'il va falloir transformer cet essai qui vient d'être marqué aux Français par les Irlandais, furieux d'entrée. Il va falloir se ressaisir là, du côté du tricolore. Là, hein. C'est pas parce qu'on a fait le mariole devant l'Écosse que... J'arrive. C'est pour moi de toute façon. Vous en voulez, Jacques, ou non ? Non, mais c'est ouvert avec l'Irlande. Vous en prenez combien ? Là, 2. Oui, plus 5, 7. Très bien, je vous en mets. Oh là là là. Écoute, on va pas pleurer non plus. C'était prévu. On a une basse. On a un peu tout aujourd'hui. Hein. Vous devez l'entendre d'ailleurs. On a effectivement un petit peu tout. Donc, Jim, si t'es par là, n'oubliez pas de nous transmettre quand même le message qualité par rapport au son. Si le son sort bien, signale-nous-le. Ça nous rassurera, transformation parfaitement réussie de la part des Irlandais. Ils s'amusent en tout cas. Pardon, madame. Ils s'amusent beaucoup, ah bon. Je crois bien que ce petit coup de pied était bien. Hein. On va le revoir de derrière. Non, pas celui-là. De derrière, Jean-Louis. Regarde, c'est l'essai qui est de derrière, Jacques. D'accord. Ouais. Ouf. C'est là. Ouais. Enfin, c'est là, ne joue plus. Non, c'est là maintenant. Là, c'est maintenant alors. Ouais. C'est bien. Oh là là, oh, le renvoi le plus pourri. C'est-à-dire. Depuis 1933. Voilà. Ça, moins de 5 mètres. Hein, donc, il n'a pas fait 2. La mitraille, elle est enrayée, me semble-t-il. Obligé de faire donc une mêlée à l'avantage de l'équipe adverse. Oui, et pour tout vous dire, je ne les sens pas bien, les Français, là, dans cette confrontation. Ils ont été pris à la gorge, ils se sont fait sauter à la glotte par l'Irlandais furieux. Et là, je ne les sens pas du tout dans leur affaire. Allez, mêlée tactile. Oui. On se touche d'abord. Alors là, oui, les commandements. Hein. Tu sais qu'il y a 4 commandements dans la mêlée, on se prend vraiment pour... pour autre chose, hein, visiblement. Mêlée qui résiste tranquillement. Force égale à peu près. Sortie l'Irlande. Oh, encore une fois. Oh, dommage. Il a fait le petit en avant, mais ils avaient fait encore une petite combinaison qui avait troublé l'arrière défense française. 7-0, hein, tout de même, pour les petits verts qui ont bien débuté cette, Cette tournoi, cette tournoi, c'est pour nous. Un verre, ça va, mais 15 verres... Ah, monsieur l'arbitre n'y est pour rien. Plutôt l'historien de la famille. Non, l'arbitre n'y est absolument pour rien pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé pour... Il est là, il est là. O'Glary. O'Glary, qui est absolument magnifique, il crache sur tout ce qui bouge. Là-bas, la ton surnommée. Et c'est Clara Morgan Parra qui fait l'introduction pour la France. Ouais, qui va chercher Trouduc. Ah non. Ah si, si, si, absolument. Est-ce que c'est Ibagnol qui garde, ça bouge pas. Qui garde les clés du véhicule. Ibagnol rend la balle à l'intervention de monsieur Pharaon qui signale une pénalité pour la France. Oui. Allons, enfants. Excusez-moi. Ouais. Révolution. J'ai toujours eu besoin de me protéger de l'extérieur. Faites bien, monsieur. D'ailleurs, on ne tape pas cette pénalité, on joue l'essai. N'est-on pas en confiance au niveau du buteur ? Côté française, oui, c'est une question à se poser. Disons qu'on n'a pas envie de se fébriliser, peut-être ? Défébriliser ? Autre chose. Bien, pour cette petite touche, on bénéficie de la touche, du coup. Oui, par contre, on a entendu quelqu'un derrière. Là. Je ne sais pas ce qu'avait ce monsieur, mais ce n'était pas très clair. C'est confirmé. C'est la météo que vous entendez. Il fera 18 à Strasbourg, 15 à Quimper et visiblement 8 à Pau. Ballon récupéré par l'équipe de France. La façon dont vous... Doucement, monsieur, doucement. Ouais, restez calme, hein. S'il vous plaît. Il faut garder son sang-froid. La France avance avec Mastcherb. Non, c'est William Sorin qui livre ce ballon à Clara Morgan, qui va tenter de la sortir et qui la sort. Belle, très belle sortie, Clara Morgan. Ouh, là, regarde-moi ça, ça n'avance pas, c'est vraiment sur la ligne horizontale du terrain. Défense verte est écolo. Mm-hmm. Et collante, surtout. Effectivement, collée au ballon. Parapara. Française, avec du foutoir. Du foutoir, le capitaine tricolore qui essaye d'amener ses compagnons sur le chemin de l'embu, qui se relève et qui avance encore. Magnifique, du foutoir qui fout le gardien dans les 22 mètres irlandais. On va peut-être chercher Herbut. Ça fait plaisir, visiblement. Avec poitrine de veau. Là, bien pris, poitrine. Oui, tu as bien vu, Jacques. Bravo. Tout seul, trois verres dessus, ça fait des dégâts. Vive la pêche. Attaque froide. Oh là là, Jean-Louis, c'est mal filmé. Tu filmes de trop loin, tu resserres trop tard. Jean-Louis, tu es le culé. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. Il n'y a à peine que 10 minutes de jeu. Nous sommes menés 7-0. Et pour l'instant, tout va à peu près bien. La France qui attaque, on dirait quelque chose de connu, ça. Faites attention, les gars, avec les morceaux que vous envoyez. Jim, on a ton adresse IP, si on a des ennuis, on tout fait tout péter. Trop tard. Ce morceau a été interrompu pour des questions de droit d'auteur et de liberté. Voilà, une affaire bien menée. Rondement avec une pénalité pour la France et cette fois-ci Clara Morgan va tenter de s'en charger. Oui, ce sera pas de la dentelle. dites donc, quand même un petit peu la pénalité, c'est quand même un geste particulier dans le rugby, Jacques. C'est une des rares fois où on joue au pied. Et puis c'est la Saint-Valentin, on va dire, on va embrasser la carrière comme jamais. Ouais. Comme j'aimais, oui, tu veux dire. Alors qu'ici, évidemment, la poule au pot. Ah oui, oui. Henri IV n'est pas mort. Il est là, elle est là, Clara Morgan. C'est Ramayad qui l'a assassiné. Oui, d'accord. Excusez-moi, je refais l'histoire. Mon Henri à Castres. Attention à cette pénalité. Joli plan, Jean-Louis. Là, tu fais du bon boulot en ce moment, Jean-Louis. Oui, de derrière, Clara Morgan. Si c'est depuis chose. Qu'on t'a menacé de chômage que Jean-Louis, tu refais des efforts. Regarde-moi ses cuisses. Ah oui, regarde ça, si elle est bien. Regarde-moi comment elle est positionnée, Clara Morgan, pareil. Là, elle s'élance. Et paf, à côté. Oh non, il a rectifié magnifiquement son coup de pied. Joli coup, mon gars. Il a son style, effectivement, son coup de botte. Ah oui, c'est une frappe complètement loufoque. Ça part à droite, ça revient à gauche. C'est un petit peu n'importe quoi, y aurait-il du vent, Jacques ? Non, je pense que c'est son style. Ah ouais, mais c'est curieux, d'habitude le ballon revient plutôt vers l'intérieur. Vois-tu, il fait une courbe plutôt convexe, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Tandis que là, il a fait carrément le contraire. J'ai l'impression de voir jouer ma grand-mère au bowling. Enfin, c'est assez curieux. Alors peut-être y a-t-il du vent, mais là, hein, ça nous dépasse un peu le vent ici. Non, là, il y a longtemps que ça nous dépasse. Dis-moi comment tu t'appelles ? Sportaz. 708 et bien sûr 7-3 pour l'Irlande. Ouais, oui, dans l'équipe de France qui revient, 12 minutes et 27 secondes, 28. Ouais, enfin, pour l'instant, l'équipe de France n'a pas développé grand-chose quand même. Belle prise irlandaise. Magnifique. Non, c'est sûr hein, que côté français, on n'a pas développé le vert, ou plutôt, laissé se développer le vert, mais pas tout à fait le vert qu'on aurait souhaité. Le pourri, celui qui t'encrasse là-haut. Magnifique combination, une fois de plus, pour les Irlandais, il n'y a pas de en avant. Pour de vrai. Hein. Oh, quel dommage, mais ça fait 2-3 fois qu'ils font cette petite fin de passe qui remettent derrière pour écarter. Oh. C'était fort beau. Ils ont des ingénieurs qui doivent plancher sur les attaques. Là, c'est quand même quelque chose. Oh bah oui, même s'il est mal payé, c'est peut-être pour ça là, qu'il a relâché un peu. Oui, on va dire que selon l'émolument, le joueur peut se montrer plus ou moins fébrile. Écoutez, c'est moderne, hein, la motivation par le matérialisme. Dixit, bien sûr, le libéralisme lui-même. Merci Jacques pour cette analyse. Analyse. Clara Morgan qui va faire la touche, regardez-moi, c'est la mêlée, pardon, regardez-moi comment elle tient ses 5, Clara Morgan, c'est magnifique, et maintenant elle pose la balle entre les joueurs, et pénalité pour l'Irlande. On a écroulé, c'est ça. D'après Monsieur Pharaon, ouais. Et on ne peut pas écrouler comme ça, l'ingénieur en chef est demandé. Si t'écroules, t'es pas cruel. Oh, yeah, yeah, yeah, mêlée écroulée, danger, danger. Avec Sex Toys qui va tenter à son tour de répondre à Clara Morgan. C'est un duel absolument magnifique entre ces deux joueurs. Eh oui, un et Peter. Mettre dedans. Entre les barres, entre les perches. 3 points sinon rien. Ce qui remettrait l'écart de 7, c'est-à-dire celui d'un essai transformé Jacques si les Irlandais passaient cette pénalité. Très bonne musique d'ailleurs. C'est surtout qu'on a pris un essai assez beau, assez mérité côté très rapide, rapide. On n'est pas rentré assez rapidement dans cette confrontation du côté tricolore et voilà ce que ça coûte face à des Irlandais qui inaugurent d'après Jacques, mais ça je me méfie toujours des informations de ce dernier, qui inaugurent leur stade aujourd'hui, c'est vous dire. Attention. Allez, c'est confirmé. Bravo. Sextoys qui va tenter de taper maintenant dans la boule de Genshin pour l'envoyer directement entre les cannes à madame. Attention, c'est pour lui. 5, 4, 3, 2, 1, émission. Oh, yes, very good. Oula. Very good play. Oh, bien au milieu. Oh, Sextoys, si propre. Bien, les petits verres. Bien vidé, oui. Bien mis. Bien mis dedans. Regarde-moi ça. Récupération de l'ovule par les gynécologues qui va pouvoir relancer cette affaire. Attention à ce renvoi, il faut surveiller parce que tout à l'heure, elle a fait n'importe quoi. Et du coup, il ne l'assure pas, il rend directement le ballon aux Irlandais qui vont pouvoir donc tranquillement réattaquer, refaire vivre des frayeurs à la défense française et ainsi de suite. Oh, c'est pas une partie d'amour là entre les deux équipes, on va dire, mais... Ça prend forme. Mais quand même. Ça prend forme. Il y a dans ces rugbyman une part quand même d'humanité, d'humanisme qui transpire. Oui, on se renvoie l'assaut. Olé, il attend. C'est Bagnol qui donne à Saint-Médard qui est mal embarqué. Là. Ouais. Il est tout saoul, il va se faire avoir. On profite pour se raser vite fait. On n'a pas perdu le balle avec William Serin qui tente de... Oh, cette fois-ci, c'est rare de le voir reculer, William Serin. Mais ça a été le cas sur ce coup-ci. Clara Morgan qui donne à Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre qui défonce tout sur son passage. Et sorti avec Clara. Clara pour René Lacassagne. Maintenant, qui transmet à Raoul Bicarré. Costaud, Raoul Bicarré qui s'est bien fait prendre par la défense irlandaise et qui va devoir donc livrer la balle à ses partenaires. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Sa fille vert. Attention, il faut sortir ce ballon très vite. Oui, avec machine à laver. Le réparateur a voulu sortir le tambour. Apparemment, c'était pas le moment. Marché. Non. Oh, ils ont perdu la balle. Les Français ont perdu la balle. C'est un excellent ballon de contre-attaque pour les Irlandais. Ils sont en surnombre. S'ils arrivent à ouvrir rapidement, voilà qui est fait. Oh là là, ils vont y aller. Ils vont aller au bout, c'est sûr. S'ils vont pas la conne. Non, mais une petite. Ouais, il y a quelque chose de merdique un peu dans le jeu en ce moment. Côté vert, en tout cas, on aurait pu planter un peu plus si on avait profité des maladresses françaises. Mais soi-même, côté vert, on a fait des maladresses aussi. Beaucoup. Je me demande si je ne peux pas arrêter de regarder ce match, moi, parce que là, il est vraiment sale. On zappe, Jean-Louis. On zappe. T'as quelque chose à nous proposer, chérie? Carambolage. Allez, joue plus Carambeu. Quel suspense, on a retrouvé le jeu, voilà, un petit coup pour tout le monde. Allez, vent pour tous. Un petit coup. Du vent pour tous. Et ça discute, hein, au Bristol qui dit, mais j'ai pas reçu l'invitation. Ah si, j'ai envoyé l'invitation là-bas. Ah si, ah merde, oh. Les pénalités pour la France, para Francia. Francia, ouh. Arrête de faire ton cake, on est une équipe. Attends, dis donc, hey, c'est moi le patron, non. Et ça discute, hein, on demande qui a eu l'invitation de Bristol, pour l'instant personne. Ah oui, là, en ce moment, il y a de quoi dire, hein, sur les... Vérité. C'est arrêté très tôt de produire. Et je vais aller voir, tiens, pendant qu'on y est, s'il n'y a pas un petit message, puisque tout le monde se met à parler, de toute façon, dans cette émission. Pour un jingle, si vous voulez, aussi, hein, mais bon. Alors, apparemment, d'après Jim, le son est bon, parfait. Ah, bah, maintenant, vous saturez. Qui a touché? Merci, hein, Jim, de nous maintenir... En direct, bien évidemment. Est-ce que cette pénalité est passée, Jacques, pendant que je surveille les messages, s'il te plaît, Jacques, dis quelque non, chose, merde. Non, pas démarré, donc voilà, ignition, quand tu veux, par rapport à Clara Morin. Hein? Morgan, va-t-il assurer? Jim, Jim, doucement sur les messages, Jacques, pas à suivre. Il y en a trop. Hop, il y a des vélos de 700. Et c'est dedans, go! 24h sur 24. Qui est en train d'être expérimenté. Du soir au matin. Et la France réduit le score. Radio Sortaz aussi, Sortaz de là, s'il te plaît. Goal, goal, goal, goal, 10-6, donc ça nous fait, c'était une petite, oui. Une petite partie champêtre sympathique, hein, finalement. Entre ouais. Amis, 10-6, on rigole. Tant, les Français qui s'empêtrent, plutôt, cette équipe d'Irlande. Oh, regarde-le, oh, la feinte, okay. La feinte à Juju, oh, ballon récupéré par les Irlandais, c'est génial. C'est ah, tant pis si c'est loupé, mais au moins c'est essayé. On prend des risques, ah, ça, oui. on apprécie. Ah, vive l'Irlande. Viva! Viva! Irish! Venez en Irlande! Mmh. Oh! La belle cul sec! Finissez-vous, Jackie! Et pendant ce temps-là, ce sera donc une touche pour l'équipe de France avec William Serin. William Serin, regarde-moi ça! Regarde, ça, il demande la combinaison. Trois fois quand même, il faut qu'il demande la combinaison pour savoir exactement où il doit lancer. Alors, ah, ne touchez pas! Ne touchez pas! L'équipe d'Andorre hein, qui se prépare. Belle sortie! Par à Morgan, repart toujours par là. Par là, Morgan! Ah, beau, hey, beau, beau, avec Kessan Medar qui veut le donner, non! Intervention irlandaise, dommage que Kessan Medar n'ait pas été suivi. Elle l'a fait bien. Elle l'a fait bien, la passe. Ah, oui. Oh, et puis surtout, il avait oh là là, le saut de haie de la part de Bellino 2. Maintenant, nous avons le tiercé qui se joue en même temps. C'est magnifique. Que ce soit Giroud. Là, c'est, oui. Par contre, là, c'est un jeu haut de ballon magnifiquement récupéré. C'est la contre-attaque. Oh, et c'est laissé français. Laissé français. S'il peut la donner. Oui. Là, bien. Bien. Ah ben allez. Non, il est cadré les joueurs quand même. Il faut cadrer un peu. Ah, oui. Oh là là, la mitraille, c'est boum boum. Mec. Hein, le crochet, il sait pas ce que c'est. C'est écrit au bal. Et attention, parce qu'il y a un avantage pour les tricolores, d'après monsieur Pharaon, mm-hmm. qui roule sans phare. DJJ. Ça déconne trop là. Ah bon. On ne sait pas ce qui se passe avec ce fil là. C'est celui-ci là. Avant, on le tenait bien, là, on le tient plus ce fil. D'accord, on va changer si c'est lui. Voilà. On le trouvera. Et là, pendant ce temps-là, il y a une pénalité pour l'équipe de France. Vous ne suivez rien. Si, si, mais les pénalités, c'est moins intéressant. C'est vrai que ça. Toujours quelque chose qui. Là. Qui et là, il se retrouve tout seul, tu vois. Il se retrouve quand même tout seul. Mais le crochet, crochet, crochet, enfin, quand même. Hein. Petit hommage à Nielsen. Et ce sera donc une pénalité par là, Clara. Oh, l'autre vient lui pisser dessus derrière. Là. C'était assez regrettable ce geste. Et finalement, Clara Morgan avec son orchestre va tenter de transformer cette pénalité. C'est à bord. Oh, le solo. Ah oh, ouais. On respecte le buteur. Hey. Il se concentre. Il regarde les barres. Allez, pour la Saint-Valentin, spéciale dédicace à Gary Moore. Justement, un fauteuil mushroom, mais le transforme. Attention, la France peut revenir à un seul point de l'Irlande. La France, un peu tranquille, qui s'accroche et qui marque. On écoute l'interview de Mel Gibson. Merci. Eh bien, ici Dublin, la France revient à un point. Oh, derrière ça passe. Oh, vas-y. Oh, fini, bon, mais fini. Oh, voilà la perceuse, Jean-Loup. Avec. Oh, écoutez, je vais essayer de me réintéresser à cette confrontation, tandis que derrière, ça continue. 19 pour l'Irlande. Ouais, petit score serré, sympathique et amusant. Et sur la pelouse, ça joue. Fini. Oh, ouais, merci. Et on paye l'orchestre. Bravo, les gars. Récupération, Galopin. Oh, nobody ici. C'est récupéré par Jean-Pierre pour la France. Oui. Jean-Pierre Tafurnard. Gratte Kelly. Gratte, oui. Un petit peu partout d'ailleurs. Et avec une montée magnifique de poitrine de veau qui croise avec. Oh là là, Saint-Médard qui s'est fait défoncer la nuque. Là, pardon, le thorax. Ouais, oui, du foutoir qui l'a fait. Hein. Le foutoir, il a raté cette récupération de ballon au sol pourtant, alors qu'il n'était même pas attaqué sinon par lui-même. Non, mais M. Faron sourit hein, alors qu'il s'est fait voler dans le musée du Caire. Il arrive encore à en rigoler, c'est vous dire quand même. La profondeur et la hauteur de ce personnage qui se rit de lui-même après avoir été dérobé. Et on voit ce qu'a ramassé Saint-Médard, tandis que là, ouais. Du foutoir, regardez-le, c'est n'importe quoi. Carrément. Ce pharaon qui réexplique hein, qu'il faut avoir ouais. Du cœur. Bien évidemment, Jacques. Mais voilà, monsieur, c'est bien. On répète, hein, derrière, rassurez-vous. Ça répète 23 minutes de jeu, on n'a pas signalé, on n'a pas pris de jingle, on n'a rien fait pendant ce match. Je suis assez déconfit. Combien y a-t-il de gens qui... Combien non, à ton auditeur, Jacques, s'il te plaît. Je veux savoir le chiffre. Hein. Donc on doit le laisser cacher. Est-ce qu'on peut arriver à 15? C'est le ministère des Affaires étrangères hein, qui nous indique. Ne veut pas, hein, qui ne veut pas que nous ayons les chiffres. Ça va, surtout si vous êtes en Tunisie actuellement, vous pourriez être repéré. C'est un en avant irlandais, et j'attends toujours hein, mon chiffre, hein, bon, je crois que je vais pouvoir m'en passer gentiment. Allez, 13. 13, mais ça vient, ils se sont tout simplement trompés de rugby, mais ça arrive. Comme ce jingle hein, qui a été préparé en 76 à Tokyo, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Sportage. Business. Alors on fera un bilan au début de l'année prochaine, mais ça se passe plutôt bien. Ce qu'on en sait fait qu'on est plutôt bien placé, on est dans nos objectifs. C'est confortable, c'est pratique et on peut s'amuser. Et puis l'enjeu d'être pertinent et moderne, innovante, et ça marche bien. Ça marche bien sur 1 milliard d'euros, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Sportaz Business. Sportaz Business. C'est vrai que... Ça marche plutôt pas mal. Ça marche bien pour nous. Sandwich. Vous êtes potentiellement 1 milliard d'euros à pouvoir nous écouter. Tu veux le dernier cornichon ? Merci, moi j'ai fini le jambon. Ballon remonté par les Irlandais qui ne se laissent pas non. Tu vois, envahir par le doute hein, malgré la remontée tricolore. Okay, non. Ballon de change. Hein. Oh, il est passé ! Oh, l'Irlande dans leur camp, mais ça y est, ils sont côté bleu. Allez, non, je ne sais pas qui c'est qui a réussi à le choper par le short pour le ralentir à ce point, mais c'était magistralement fait. Là, par contre, c'est un coup de pied direct en touche. Et ça, c'est la honte. Ils ne savent pas garder le ballon longtemps, les Irlandais, manifestement. C'est vrai, Jacques, c'est une très bonne analyse à chaud. Beaucoup de questions durant les nuits. Durant les nuits, Minou. C'est vrai, problème de chatte. C'est pas toujours ce qu'il fait ou ce qu'elle fourre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, non, c'est William Sorin qui vient chercher la pitance. Ouais. Les gars, j'envoie le plat. Il a des casseroles hein, derrière lui, il faut les... Il est tombé dans la marmite peut-être quand il était petit lui aussi. Ouais. Belle touche française. Bon. Ça me rappelle à Montparnasse en 73 quand ils avaient récupéré. Tu te souviens Jacques? Ma tour. Sorti avec William Sorin qui va tenter de défoncer l'arrière défense irlandaise. Et il le fait un petit regarde-le. Chaque fois il gagne son petit mètre tranquille. Ouais. Surtout lui, le maître, là, apparemment, de la mêlée qui avance côté français. On ne bouge plus, photo. Oui, c'est... Parce que c'était un petit peu n'importe quoi sur la pelouse, c'est vrai. Bravo, Jacques. Alors, l'attaque française... Ouais. Tourne en rond un peu, là. On se plaque. Alors qu'on attend de l'ovale. Ouh là là, Clara Morgan. Ah, sauvage. Chassé par un gangbang. C'est pas mal. Pourtant, me semblait-il, c'était Clara qui avait gardé la balle. Hein. C'est un peu délicat comme décision de la part de Monsieur Pharaon qui fait finalement ce qu'il veut. Hein. Il est le maître. Ah ben, vous tombez bien, Monsieur Berlusconi. Je suis venu juste vous dire que vous étiez un gros naze de première. non, mais dites donc. Et d'ailleurs, monsieur, allez, vous parlez trop fort. Encore. Hein. Oui. Alors, après, on reçoit des messages, là, des gens qui nous disent « Vous saturez, connard !» Alors, non, ça suffit. Alors là, tu vois, là, il est seul. Il est tout seul, donc ça m'étonne que la pénalité ce soit... Alors lui doit le lâcher, le 4 doit lâcher. Tu vois là maintenant qu'il est tout seul, il doit le lâcher. Le 4 vert doit lâcher. Ouais. Et c'est ce que signale, me semble-t-il, monsieur. Entrez. Ouais. Merci, merci. Tous les messages ont été brouillés. Tous les messages ont été brouillés, je vous le rappelle. Attention, pénalité pour la France qui pourrait passer devant. Arrêtez derrière, j'ai loupé, bordel de merde. C'est incroyable. Le grand film du dimanche après-midi. Irlande. Avec. Irlande. Et la France, et arrêtez-moi ça immédiatement, parce que la France vient de passer devant, c'est une honte. Cette bande-annonce est une honte. Jetez-moi ça. Il y avait vraiment une grosse bande. Et la France passe devant, Jacques. Ah. Et oui, curieusement. Je l'avais dit qu'il y avait devant. Après n'avoir rien foutu tout au long de la partie, au bénéfice des pénalités et des coups de pied réussis, Clara Morgan est... C'est bon signe, comme on dit en astrologie. Ouais. Je ne sais pas qui lui a balancé la purée comme ça, à ce point, mais là, la pauvre fille... Le ballon donc est remonté par... Oh là là, lui, il plante la graine du rugby, mais il n'y arrive jamais. Et donc, il la balance en l'air pour qu'un de ses partenaires la récupère. Oh là là, j'ai entendu, Jacques. J'ai bien entendu. Amortissement. Sortie française avec Clara qui dégage par-dessus l'accouplement. Enfin, là, le gros groupement de joueurs qui se touchent. Toujours DJ Egypte avec toi. Ouais, hein. Bien évidemment, c'est une mêlée signalée par Monsieur Pharaon. DJ Egypte. Hein. DJ Egypte, Jacques. C'est pas facile. Hein. Bien reçu, Sigal XR. Pas de problème, René. Vas-y, René. Ouais, pour l'instant, tout se passe bien hein, au niveau, bien évidemment, cellulaire hein, de cette émission, car je vous le rappelle, nous sommes en phase de cryonisation pour pouvoir exister encore dans une cinquantaine d'années. Et c'est parti hein, avec un petit morceau sympathique qui nous a été composé par. Jim. C'est une magnifique mêlée maintenant par la France qui mène ici en Irlande. Ouh, Jacques, ça t'a fait ouh, oui. Hein, ce gros plan. Les Français qui récupèrent ce ballon dans le camp irlandais tout de suite, ouais, 49 ouais. mètres. Alors il serait bon ton d'enfoncer un peu le clou, Jacques. Tu vois, de marquer un petit essai le après coup, avoir coup, pris le... l'avantage, ce serait pas mal. Enfoncer le clou. Mais le clou, Jacques, le clou. Le clou. Et montée française avec Ibagnol qui va livrer la balle à Clara. Clara qui va faire jouer derrière avec Trouduc. Clara et Trouduc, la compagnie frivole de l'équipe de France. Oui. Ouverture au gain. Un petit coup de pied, je sens bien par-dessus là, peut-être. Non. Ah, c'est fois-ci, c'est bon avec Yves Médard, il est levé par-dessus. Oh, il a été empêché d'y aller. Il a été empêché d'y aller d'un petit coup d'épaule. Que va dire monsieur. C'était limite. Raon. Et je crois que le bénéfice de la touche sera au. Pour le tricolore, si c'est lui qui a mené le ballon, il faudrait revoir ça au ralenti, Jean-Louis. Ce serait un minimum. Regarde, il va être empêché d'aller chercher ce petit ballon. Poitrine de veau, il met bien le petit. Ah, oh, Jean-Louis, tu n'es qu'un salopard. C'est vrai, tu reviens en direct, certes, mais tu n'es qu'un salopard. Qui a certes ? Plus personne, il y a 10 à 12 hein, pour les Français. Oui, ici oui. Même. Et 30 minutes de jeu, 30, 45, 30, 46, 30, 47, 30, 48. J'achète, ça monte, j'achète, je prends, j'achète. Ouais. Dublin direct. Toca para Irlanda, magnifiquement prise par l'inspecteur Harry. Autrement dit, Callahan. Ah, l'Irlande s'en sort bien, on va dire. Non, mais là, sur ce domaine-là, ils sont performants, ouais. Ils savent y faire, donc tu vois. Ils progressent en fait, plutôt que de rendre immédiatement le ballon en perdant du terrain. Quoique là, sur l'impact, ils ont peut-être perdu le cuir. Que disait Pharaon. Que dit monsieur Pharaon. Ce serait une pénalité pour les Irlandais. Avec la gueule des tricolores, vu comme ils reviennent vers leur camp, c'est une pénalité pour les Irlandais. On peut disputer un ballon, mais... On peut se disputer avec un ballon, Jacques, et ça, c'est assez rarissime, mais ça peut arriver, effectivement. La démocratie dans le sport, c'est important. Ouais, chouffe-moi, Jacques. Oh. Oh. Où est Billy ? Arrêtez derrière. Oh, dès qu'on laisse 5 secondes de possibilité, bande. Tout le monde rentre dans cette émission. Voilà, allez. Et là, sur l'impact, il me semble qu'il a le droit quand même. Hein. Il est empêché là, oui, il est empêché. On peut préciser que ce match a été enregistré il y a une heure. Hein. Par qui ? Par nous. Pardon. Mais ballon sorti par avec Poupin Player. Oh là là. Oh, il saute, il s'est fait retourner comme à la fête foraine, dis donc. Le ballon est sorti par les Irlandais qui se dégagent magnifiquement. Tête pas derrière. Merde. Il y a du monde aujourd'hui, hein. Poitrine de Beau qui remonte comme un grand fou furieux dans la chambre froide, mais qui ne récupérera pas le ballon. Attention, attention. Il n'y a pas eu arrêt de voler. Non, il n'est pas dans ses 22 mètres, c'est vrai, Jacques Guiton. Guiton. Enfin, c'est ce que j'ai vu de la règle après. Ouais, CO2, leur meilleur sponsor. Ouais, vert et CO2, Jacques. Ouais, c'est quand même un peu curieux. Attention donc à cette réflexion de Jacques, une réflexion bien évidemment sur l'environnement. Je vous laisse 10 secondes pour y penser, oui, y songer. De toute façon, la pollution, c'est odieux. Y a-t-il la solution pour la pollution, Jacques ? Oui, changer de modèle économique. Hein, et le productivisme est fatal à toute l'écologie mondiale. Bien. Appréciation tout à fait partisane de la part de Jackie. Le ballon est remonté par Ibagnol. Ibagnol pour l'équipe de France qui cherche Clara. Clara qui s'est écartée. Ouais. Clara Morglan. Hein. Pardon. Jouer ce rôle. Il y a là-dessous, on craint. Moi aussi. Merci, allemand. Veuillez m'excuser. Ballon français, merci Jacques de nous amuser quand même pendant ce match qui est pourtant sérieux. Clara donc. Clara Morglan. Qui a toujours la balle tranquillement. La France avance, hein, petitement certes, mais la France avance là, sur les impacts sur le jeu auprès, comme ici avec Jean-Pierre. Jean-Pierre Poujavert. Poujavert qui s'est fait prendre. Oui, peut-être qu'il y avait une faute, hein, parce qu'il est sorti tout seul là, de se démêler du sol. Oui, c'est un peu dommage, un gars qui s'extirpe comme ça des embrouilles. C'est quand même curieux de le sacrifier, non ? C'est merdique alors, ce match, il est pourri, hein. Voilà, monsieur Pharaon qui fait Nix. Ouais. C'est dommage, hein, parce que ce match était parti sous de bons auspices avec des Irlandais qui plantaient très rapidement, qui montraient une certaine furia, voyez-vous, F-U-R-I-A, je tiens à le préciser. Oh merde, votre attention, s'il vous plaît. Oh, quelle ambiance ici, quelle ambiance. Premier ministre porte Z. Ça fait du bon. Bien. Oui, ça fait du bien. Sextoy à l'écran, Jean-Louis, c'est un message. Mais le score n'a pas bougé par contre, hein. Autant les joueurs se la remuent. Ouais, gentiment. Curieux, c'est curieux. Ça a l'impression que ce match n'est pas parti, ou alors on n'a pas le bon son. Il y avait aussi Ouchi. S'il y avait Ouchi, alors. C'est pour ça. Ah, mais allons perdu par les Irlandais. French. Ça, c'est très bon pour le France. French team. Avec Jean-Pierre Sangali. Ah, Jean-Pierre Sangali maintenant pour Françoise Guitarer. Arrêtez derrière. Mais qu'est-ce que vous avez amené aujourd'hui là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le public. Tu vois ce que c'est que le service public des fois. Ah, c'est pas pareil là. Ouais, jockey. Ah là, ça flippe. Je suis avec l'égorgeur de Boston, avec qui nous allons discuter un petit peu et puis voir ce qui se passe aux alentours, s'il n'y a pas moyen tout de même de se faire une glotte ou deux dans les environs. Hein, tout de suite. Quelle ambiance, Jackie, quelle ambiance. Pénalité pour les Irlandais. Est-ce qu'on peut revenir au direct, s'il vous plaît. Allô, la régie. Je vidange. T'en fais un bruit, toi, quand tu vidanges. Allô, la régie, est-ce qu'on peut revenir au direct, s'il vous plaît. Non, on est. Oh là là, régie, on démine le terrain, apparemment. Allô, régine, alors. Ça ne va pas. Vous voulez que je vous aide. Je vous demande si ça va. Non, je vous dis que non. Vous ne tenez pas debout, alors. Je vais vous accompagner. C'est bon, tranquille. Je vais vous aider. Non. Surtout, n'ayez pas peur, je suis de la police. Ah. Oh, merci. Merci pour ce petit instant de bonheur. Hachiche, drapeau blanc. Attention noir, hachiche, drapeau blanc. Tout le monde en profite. Alculas ou plexiglas, c'est la même matière. Oui, arrêtez, s'il vous plaît, attention. Aux Irlandais qui attaquent dans les 22 mètres français. Il a cru que c'était pour laisser ou quoi. Il s'est jeté par terre. Effectivement. Ils pensaient être dans l'embute, mais là, ils sont pas loin quand même. Oui. Si on rigole, mais on va en prendre un. On apprécie le savoir vert. Pour l'instant, bien repoussé par les bleus à lame successives. Et on sort cette balle. Il faudrait que les Irlandais ouvrent un petit peu. Il y aurait quelque chose à faire quand tu auras fini de bouffer ton truc là. Ouais, non, pas goal. Non, Mike, il peut livrer la balle. Il faut la donner, les gars. Jouez, aérez-moi ce ballon qui souffre d'enfermement de claustrophobie. Il y a poteau là. Il y a poteau, les gars. Non, il y a poteau. Ah, ils pourront pas y aller comme ça. L'arbitre est bien placé, monsieur Pharaon. Donne-la. Là, c'est pas mal, mais donne-la. Non. Oh là, c'est dommage. Non, là, il vendange un petit peu, les Irlandais, ça m'étonne. Mais si, goal. Cette fois-ci, je crois que c'est bon. C'est juste on the line. La ligne fait partie de l'embu, me semble-t-il. Line. Alors, est-ce qu'on réclame quelque chose? Est-ce que l'arbitre l'accepte sans la vidéo? Monsieur Pharaon demande le sarcophage. Ouais, il demande le sarcophage, vous l'avez vu, son geste tout à fait significatif. Il veut rentrer. Filez-moi le bandage, je vais me momifier la gueule tout seul. Lâchez-moi, faites du boulot de merde. À moins que ce soit un problème d'ADN, non. Alors, maintenant, oui, effectivement. Alors, il n'a pas vraiment rampé pour y aller, c'est sur l'élan. C'est difficile à juger. Monsieur, oui, monsieur, c'est un peu ça. C'est pas facile, c'est vrai, mais c'est pas la peine de se mettre dans un état pareil. Oh, alors, on le voit ici. Là, le ballon est aplati, mais dans l'élan, est-ce qu'il fait l'effort de... c'est délicat. A-t-il le droit de faire ça? C'est compliqué, Jacques. Take the glisse. Oui. C'est marrant, il est là, monsieur Pharaon. Alors, qu'est-ce que je fais, bordel? Je me fous les bandages? Il attend, alors... Oui. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Oui, excusez-moi. L'a mis de momie. Et c'est pour les Irlandais, c'est accordé, donc... Il fait bien. Déjà 5 points de plus, ils en avaient 2 de retard, ça fait 3 de moins, je retiens 3, je peux en mettre 2 de plus, ça nous ferait 5. C'est mérité. C'est mérité. Quoique, parce qu'ils n'étaient pas venus depuis un petit moment dans la défense française, aux abords de l'embu, et puis là, chaque fois qu'ils viennent, ils sont efficaces et réalistes. C'est ce qui est inquiétant. Ne manquez pas ma prochaine chronique sur... De bien vouloir. Bien sûr, de bien vouloir. Ralenti, convaincant. On va le dire. Oui, ralenti efficace de la part de Jean-Louis qui a convaincu l'International Board d'accorder cet essai. Convaincant les Français dans leur camp. Oui. Qu'ils sont un peu faiblards aujourd'hui en défense. Ils viennent de prendre un deuxième essai. Oui, alors que c'était soi-disant l'un des points forts de cette formation. Et l'attaque, n'en parlons pas, puisqu'ils n'ont vu que des pénalités avec Sextoy. Sextoy. Aimer. Oh là là, oh ça y est, ils sont mal. Sextoys qui va tenter de la rentrer entre les barres une fois de plus. Infatigable Sextoys. Deuxième essai, c'est fait par les Irlandais. T'as perdu ton écran. Appuie sur le bouton maintenant et pas goal. À côté. Il l'a pas transformé, l'essai, mais ça fait quand même 5 points. À côté, défoncé. Ils n'ont pas marqué 2 essais. 15-12 pour le trèfle désormais. 3 points d'écart seulement, une pénalité, un drop et c'est joué. 15-12 seulement pour l'Irlande maintenant. 2 essais pour les Irlandais. Avec une récupération magnifique en touche directement. Voilà, pour faire ça, il vaut mieux laisser le ballon sortir directement. Et il s'est fait démonter un Huguet. Après les Capétiens, les Huguet. Ouais, c'est au garage qui a tout démonté. J'ai pas vu jouer, il joue au garage. Non, il me semble qu'il est rentré furtivement là, juste pour le joueur. Touche récupérée par les Irlandais, 39 minutes de jeu, nous allons atteindre gentiment cette mi-temps de cette première période. Qui voit le Afonso avec pas mal quand même. C'est reparti côté. Ouais, de côté, ce match, côté musical, côté match, oui, c'est reparti. Match A, match B. Sortie de la Balba, Ireland qui va donner à Tom Phillips qui maintenant j'ai déjà fait une sautée. Non, il n'a pas essayé la sautée. Ça was une jump. Il s'est empilé plutôt. Voilà la sautée. Ah oui, ça c'est la sautée là. Il a tout fait sauter. Ballon récupéré par Patrick Devaux par la fin. Oh oui, le double crochet de saut mais qui n'a pas marché. Et puis alors ça recule. Ouais. Ça va mal. Il a fait le cabri. Et en plus on a perdu la balle. Ce sont les Irlandais qui l'ont aussi. Ils ouvrent, c'est la contre-attaque. Si c'est la contre-attaque, c'est l'essai. Si c'est l'essai, c'est la merde. Non, il n'est pas dans le. Oh, joli petit coup de pied à suivre. Recuperation et de suite en touche. C'est la mi-temps entre les deux formations. 15 pour l'Irlande, 12 pour France. Oh yeah. 15 pour l'Irlande et 12 pour la France. La mi-temps de le tournoi destination pour le deuxième match de l'équipe de la France dans ce nouveau stade de Dublin. C'est bien, Sport 708. Parce qu'on existe, Sportaz. Parce qu'on résiste, Sportas. Il y a Maz qui nous vient pas de Amé, mais Maz nous signale que Web, vos micros saturent. Alors, déconnez pas les gars, Grand Jacques nous souhaite un bon match, un coup de retard, bon match donc de la part de Grand Jacques. Et nous allons approuver en direct tous ces messages qui nous sont envoyés désormais rapidement. Vous avez compris comment ça marchait, bravo. Et merci. Mais ça doit saturer par notre faute, hein, quelquefois, Maz. C'est nous qui ne sommes pas tout à fait professionnels par rapport à la technique. On s'adapte, les adaptateurs avec nous. Hein. Non, pour tout vous dire, comme on a un retour casque un peu faiblard, on est obligé d'allumer pour s'entendre à l'intérieur. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, au niveau micro, ça merde. Ouais. Qui nous fait une petite mi-temps sympathique en ce Sportos 708. Ernstfall aus einem Spiel allerdings. Ça, c'est votre avis, monsieur. Les principales dispositions de la LOPSI 2. Synthèse rédigée par le comité Liberté, Égalité et Justice, syndicat de la magistrature, mise en forme condensée par ALEM. Présentation rédigée à partir du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, adopté au Sénat le 10 septembre et à l'Assemblée nationale le 21 décembre. Fichier. Premièrement, fichier d'antécédents. La loi recodifie et adapte les dispositions éparses qui portent sur l'alimentation du STIC et du JUDEX, fichier dit d'antécédents de la police nationale et de la gendarmerie. Ces fichiers contiennent des données à caractère personnel concernant les personnes sans limitation d'âge, suspectées d'avoir participé à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe. Autrement dit, la plupart des suspects ont vocation à figurer dans ces fichiers, même les mineurs. Le contrôle de ces fichiers est confié à la fois au procureur de la République et à un magistrat référent nommé au niveau national, sans qu'aucune hiérarchie entre ces deux autorités ne soit instituée. Seul le procureur se voit imposer un délai d'un mois pour répondre à une requête en rectification ou effacement, mais le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné. Et blanc. Pour mener à bien leur contrôle, ces magistrats se voient seulement conférer un accès direct au fichier. Je clique. On claque. Il manque un joueur. Rappelons qu'en décembre 2008, le STIC recensait, selon la Comité nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, 36 500 000 procédures, 37 911 000 infractions, 5 552 313 personnes mises en cause, 29 329 276 victimes, 10 millions d'objets. Ben moi, je commence à avoir une belle petite équipe là, hein, avec Funky Vince, Jim, qui j'ai d'autres, j'ai Grand Jack, j'ai Maz. Je commence à avoir une belle petite équipe ici là. Listeners, thanks a lot. Vous êtes offert par Jim. Quelle heure il est, Jean-Loup? Jean-Loup. Ich wirklich dann Fuß gefasst habe. Es war man. Il faut apprendre. Jean-Loup n'est pas seul. Ils vont revenir. Les petits Shrek. Ils vont revenir. j'aime bien ton blouson. Tu l'as acheté où ton blouson? Parce que c'est pas le même, tu l'as acheté en solde en plus. Tu as pris deux blousons, ouais. Et il y avait deux d'autres que t'as laissé à la maison. Super blouson quand même. Ouais, jusqu'au 15 février. Là, service public qui me l'a offert. Mais sinon, il y a les soldes sur le service public. Si vous voulez les matchs de Coupe anglaise, les matchs qui concernent assez peu l'équipe de France. Eh bien, vous restez sur le service public, on fait le reste. Tant qu'on a le rugby, nous, en poche, on continue. Voilà, vous voyez parler du blouson, complètement à côté, rien à foutre du blouson, alors que je le trouve particulièrement sympathique, avec une matière qui me plaît. Tant pis, je voulais lui parler de la matière, il m'a parlé du rugby, c'est n'importe quoi. Allez, genre à l'antenne, à vous les studios. Dis donc, ça aurait pas repris, là? Combien de temps? Ah bah, ben depuis non, les gars, non. C'est non, du ralenti. Non, c'est du ralenti à la Jean-Louis, ça, c'est-à-dire que c'est jamais ralenti. Attention, ça va repartir. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Deuxième mi-temps entre l'Irlande et la France. Deuxième journée de ce tournoi des Six Nations. Nous sommes le dimanche 13 février 2011. Ah oui, on est mené time shift maintenant. Time shift. Voilà. Ce qui arriverait, hein, 15-12 pour les Irlandais. Deuxième match du tournoi. Time shift. Oui, absolument, monsieur. Bravo, très bonne réaction. Très bien, monsieur. Montée du ballon par Sextoy qui va laisser se mettre dessous, bien évidemment. Mais intervention de Saint-Médard qui tente de s'élancer sur une petite musique sympathique. Oui, on va relancer ces deux équipes hein, sur le droit chemin. Parce que là, on avait un espèce de petit fond derrière là qui était vide. Hein. On avait ni public, ni musique, nous n'avions plus rien. Vers l'infini. 1-1-1-1, il a pourtant sacrément brossé son ballon. Mais celui-ci est allé directement en touche, on revient au point de départ. Oh, 15-12 pour l'Irlande. Ouais, on se demande ce que la France glande. Non, pour l'instant, attendez, ils arrivent. Ouais, mais ils n'ont pas marqué dessus, juste des petits points, toujours des petits points. C'est vrai, du coup de pied, de la pénalité, même pas un drop pour assurer. Ouais. Toca para la Francia. On se prend pour les meilleurs d'Europe, mais si on n'est que bon au drop, ça ne suffirait pas. Non, et puis même pas les meilleurs d'Europe. J'ai vu les Anglais hier, là, c'est Monster et compagnie. Hein. Oh là là. Oh les mecs, les maillots, je sais pas s'ils leur filent les maillots trop petits pour donner l'impression, mais c'est absolument monstrueux. Ils ont des bras comme des cuisses. C'est comme un Nouvelle-Zélande. Sorti du ballon par le tricolore, Jacques a essayé de m'embarquer vers Auckland, mais je résiste. Ostensiblement. Et le ballon est sorti avec Jean-Pierre Romeu. Oui, pour Jean-Pierre Romeu au blues. Blues. Blues, quoi, blues? Blues blanc. Blues qui? Blues Pascal. Blues bleu. Blues bleu. Et c'est parti pour le regroupement. Hein. Vous l'avez compris, on fait des petits tas partout hein, sur le terrain pour écarter la défense. Et une fois qu'on trouve un angle, eh bien voilà, on essaye de s'infiltrer à l'intérieur. C'est ça le rugby moderne. Petit tas, et petit à petit. On arrive ici. Faites entrer la buzée. Justement. Des choses qu'on retrouve encore pas bien mal. Bien sûr, oui. Non, pas le drop là. Petite contre-attaque. Inversement de jeu magnifiquement fait. Il peut la donner avec Trouille. Oh là là. Interceptor. Non. Clara qui est là. Clara qui est là. Pas mal. À la France, ça y est, il commence à enfin mettre du mouvement, de la vitesse dans ses transmissions. Autrement dit, elle a changé de matériel à la mi-temps. Drop contré, mais qui peut servir à quelqu'un? À qui? Oh, français, mais c'est un avant signalé, bien évidemment. Pour qui? Pour les Irlandais, me semble-t-il. Ah ouais, au bénéfice. Hein. Au bénéfice, hein, oui. Ils en ont besoin. Hein, quand je dis pour, c'est effectivement au bénéfice. Tu l'auras remarqué, merci. Clara. Non, ce coup d'œil de Clara, vous avez vu, regarde hein, si, d'où va arriver le braquemar. Elle surveille un petit peu lequel va s'en charger. Il faut dire qu'ils sont nombreux sur la pelouse à pouvoir le faire. Attention donc. Merci Jackie pour cette précision. Je me retourne, vous ne le voyez pas, mais je me retourne. Vous pouvez l'entendre hein, quand je me retourne. Voyez, voilà, on se retourne. Hop, face B. On revient bien en face du micro, s'il vous plaît. Et c'est une mêlée pour les Irlandais, chahutés un peu en ce début de seconde période, comme le furent les Français en début de première mi-temps. Peut-être qu'ils se sont querellés. C'est possible, ça, madame. Écroulade, hein, par contre, on voit le soufflet qui est retombé, la température n'était pas bonne. On va revoir ça, peut-être. Du four, toi. Jean-Louis, est-ce que tu peux nous remontrer cette écroulade de soufflet, s'il te plaît? Fais un effort, Jean-Louis, là, maintenant, quand même. Oh, tout le monde gueule, hein. Il y en a marre hein, de toi. Ouais, c'est vrai que tu te laisses. Il y en a marre hein, de toi, Jean-Louis. Allez. On reçoit des messages. Et Jean-Louis, qu'est-ce qu'il fout? Les ralentis, c'est plus ça. Non, jamais de la vie. Mais si, Jean-Louis, je te le dis. Parfaitement. Meulé. Allez. Attention. Voilà. Voilà. Mais non, attendez, oui. Attendez, Jacques vous dit d'attendre. Et voilà, on a poussé avant du côté français, trop pressé. Il a imposé sa puissance et de faire parler la poudre. Et finalement, on se fait laminer le cuir. Les Irlandais qui prennent du risque, c'est bien ça. Et non seulement ils prennent des risques, mais en plus ils obtiennent la pénalité, donc ça va les inciter à continuer. Monsieur Pharaon a décidé de donner, d'octroyer à l'équipe qui joue, Jacques, le plus oui. de. Hein. Mais l'Irlande a un jeu dur à lire. Il va falloir que je vérifie ça. Je pense que depuis que l'Euro est passé, ça n'a plus cours. Et effectivement, Jacques, cette blague n'a plus cours. Imanol Rinaldo, qui, oui, j'ai vu le. Oui, on a vu Ibagnol hein, qui effectivement a été un peu accidenté. Est-ce qu'on peut revoir l'accident, s'il te plaît, Jean-Louis, de Ibagnol? L'accident, Jean-Louis. Mais montre-nous quelque chose hein. C'est vrai que là, Jean-Louis... Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ça va pas? Vous avez l'air. Non, Jean-Louis, si tu n'es pas seul, tu dis. Hein. Laissez-moi seul. Il faudrait savoir. Ah et oui, il ne le lâche pas ce ballon à la mitrouilleur, il doit le lâcher. Et oui, une fois qu'il est d'un côté, il est le plaqueur. Là, il est plaqué, donc il doit absolument faire l'effort de se. Après, il a ramassé, c'est sûr, un peu. Il s'est fait chatouiller. Il y a beaucoup de contrastes au rugby. Ah, ça, pour ceux qui ont 45, à peu près 45, 50 ans, à mon avis, cette vanne-là les aura énormément fait rire. Tous les autres se sont fait baiser. C'est de cela. Ah, et l'Irlande continue à chanter l'hymne. Lui, il n'a pas compris que l'hymne était terminé. Il continue à le chanter. 5 minutes de jeu déjà dans cette seconde période. Ce stade a déjà un problème hein, ou c'est une piste de luge en même temps. C'est le bobsleigh. On leur souhaite pas le déluge. En tout cas, récupération en touche des Irlandais avec 9 mines. Oh là là, il est tombé sur les deux gros Français, là, c'est-à-dire William Sorin et Jean-Pierre Lafourade. Et intervention de M. Pharaon, c'est une mêlée au bénéfice des tricolores. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu dans ce match. Exactement, monsieur. À confirmation en direct. Non, c'est vrai, il y a beaucoup. Belle prise de Jean-Loup. Là, pour une fois, il a mis 5 minutes à trouver un ralentou. C'est vrai. Jean-Louis, ralentou de père en fils. Cette équipe est belle et fast. Oui. C'est vrai qu'elle jouit. Merci, Jacques. Merci. Dinora. L'air de rien, hein, vraiment. Et le ballon est-il sorti? Non, intervention. Et oui, encore une fois, Monsieur Pharaon, qui sanctionne la mêlée française, qui se veut être un point fort de cette formation. Ne laisse pas assez respirer le ballon. Ça c'est Jacques. Jacques a de l'analyse tout à fait particulière en ce qui concerne le rugby, dont il ne connaît pratiquement aucune règle. Voilà. Et les Irlandais attaquent maintenant. C'est parti, sortie du ballon par Otimins. Otimins pour O'Gara. On durcit le jeu. Oh là là, oui. Hein? Effectivement, on durcit tout. On durcit à mort et on avance de 20 à 30 mètres. On est maintenant dans la moitié de terrain française. Et ça continue là-bas sur le petit côté. On envoie le bois constructeur. Belle progression des Irlandais. Pendant que ça touche en bas, ça touche aussi en haut. Je n'ai plus de son dans les oreilles. C'est un vrai bordel, cette table de mixage. Et mêlée, me semble-t-il, signalée par Monsieur Farr à Onde. Et on voit ce qui s'est passé au ralenti. Et oui, belle prise, c'est dommage. Ouais, enfin, placageau, hein, quand même. Placageau, oui. Mazo, même. Placageau, Mazo. Placageau. Tu fais mal. C'est vraiment... Sur le marché, vous demandez, à la fin, vous demandez un placageau, on vous met tout dans un cageau, et vous avez le placageau. Avec une mêlée. Il faudrait arrêter cette musique hein, derrière qui me transporte. Hein, là, je ne suis plus du tout dans un match de rugby, je suis en plein bloc opératoire. Le ballon est sorti par l'équipe de France qui enfin se décide à attaquer. Avec Trouduc. Attaquons. Trouduc, mais c'était un peu serré peut-être pour Trouduc. Difficile de passer par là et Clara Morgan qui ralentit. C'est étonnant de voir Clara Morgan ralentir à ce point le jeu. Le jeu des partenaires. Sortie de ball. Oui, ah, enfin, Trouduc, il a transmis. Cette fois-ci, on trouve l'attaque en mouvement. En mouvement, j'ai dit. C'est pas mal. C'est pas mal pour la balle qui vit, qui respire. Le ballon, lui, à un moment donné, a été content avec celui-ci. Bon, oui, Trouduc qui fait son petit bonhomme de chemin dans cette partie. Et de jeu de main. Attention, qu'il y ait pas d'intervention. Et il va la signaler, monsieur. Non, il laisse jouer, c'est bon. Pour la France qui continue avec Jean-Pierre Lafouret. Qui va. Waouh! Soutenu par William Serret, maintenant qui livre le ballon à Clara qui contourne tout le monde en inverse avec du foutoir. On cherche la bastos. Ah oui, on cherche, mais on recule beaucoup sur l'impact, je trouve. C'est vrai, on manque de soutien peut-être, car on n'attendait pas forcément cela à ce moment-là du jeu. Serein gain, serein. Oh là là là là. Eh oui, mais effectivement, intervention cette fois-ci de Monsieur Pharaon. On a écroulé le cassoulet, et ce sera donc une pénalité au bénéfice des tricolores, qui pourraient bien égaliser. Que s'est-il passé ? Il y a une pénalité, madame. Au rugby, il y a des fautes qu'il ne faut pas faire, et quand on les fait, l'arbitre les sanctionne. Ça s'appelle une pénalité, voilà. Et j'espère avoir été clair. Ouais. Merci, vous aussi. Petit arrêt de jeu. Ce qui va nous permettre d'aller chercher peut-être un petit jingle, car on n'en a pas écouté beaucoup en première période. C'est un message qui vient de m'être adressé, Jacques, et donc l'auditeur réclame un jingle. Sportage. Business. Sportage. Business. Premièrement, complémentarité, opposition, enjoué et passionné. Carte ensuite, deuxièmement, physique et cérébrale, romantique et brutale. Sportase. Nous sommes à votre disposition. Contactez-nous. Sportase. Sportase. Business. Ils sont pas finis. Il n'est pas, ce single n'est pas fini, visiblement. C'est le premier jet. A été courté en bourse. Et ce sera donc une pénalité pour la France qui pourrait venir égaliser. Là tu m'as tout dit. On a été introduit en bourse. Hein, ah bon d'air. Ah bon ouais. Ça c'est une sacrée nouvelle. Je ne sais pas quel est l'âne qui a foutu des capitales sur nous. Uniquement le rugby hein, qui a introduit en bourse pour Sportaz. Plus divisé pour le foot. Attention, il faut surveiller ça parce que là vous êtes en train de vous relâcher totalement, je le sens. Alors que là, le suspense commence à être sympathique ici. Pratiquement 10 minutes de jeu dans cette seconde confrontation et Clara, regarde là comme elle se préserve Bilou. Ouais, ouais. Et puis alors, ces talons hauts. Oh. Ah oui, ça doit être difficile quand même hein, de jouer avec le talon haut. Oh, oh, oh. C'était plutôt le talon haut qu'elle avait. Belle concentration. Et c'est goal, tout simplement goal. Bravo Clara. Bravo Clara qui égalise pour la Francia. Bien, bon suspense. Et la patrouille de France passe. On n'a toujours pas marqué dessus, c'est terrible. Ouais, c'est vrai, les Irlandais, on oublie combien d'ailleurs. Deux essais. Bien sûr. Ah bon ? Eh oui, deux essais pour les Irlandais, c'est vrai ça. Ouh là là, il y a le petit cochonnet qui va rentrer là, le marcassin qui va rentrer du côté français. On fait sortir Placido Domingo qui ne chantera plus sous les mêlées. Et on fait rentrer le marcassin français. Regardez-moi le marcassin français. Le marcassin français, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Merci. Jacquiche. Il n'a pas de famille en Lorraine, il faut le savoir. Le ballon récupéré par la France, une musique qui fait flipper. 15 égalités donc. Service. Ah oui, c'est une musique d'égalité. Attention, qui va prendre l'avantage ? Oh là là, on rend déjà le ballon directement dans les 22 mètres, c'est terrible. C'est terrible. Et ça, c'est de la main à la main en plus. Ça, sans intermédiaire. Il est passé, dommage. Alors récupéré que... par les Irlandais, ils vont y aller, ils transmettent, c'est bien fait. Est-ce qu'il peut contourner ? Lui non, il tente de prendre l'intervalle. Les Irlandais attaquent, mais l'intervention de Monsieur Pharaon qui signale un en avant et rend la balle aux Irlandais. Ça sent un moment de bascule. Absolument. Absolument Jacques, vous avez tout à fait raison. C'est un temps fort du jeu. Pendant que tout s'arrête, au moment où je dis que c'est un temps fort, tout s'arrête, c'est n'importe quoi. Alain temps fort. Demain en concert, un petit peu partout en France. Merci, hein, à qui ? Et changement encore une fois du côté tricolore. Cette fois-ci, ce n'est plus devant qu'on fait du changement, mais c'est derrière avec le 22 qui n'est autre que... clairvoyant. Ah oui. On fait sortir un partenaire de club, c'est curieux. Oh, c'est la famille. Entrée de Claire de Notaire qui va essayer bien évidemment d'éclairer un petit peu le jeu français et surtout d'aller chercher cet essai qui manque terriblement au tricolore. Embrasse-moi. Le tricot s'émaille. Mêlée. Oui. Place, s'il vous plaît, place. Allez, on vient de placer. Faites place. Oui, attention à cette mêlée. Écoutez, c'est... Là, là. C'est important, c'est un moment important. Écoutez pendant 5 minutes. Non, tais-toi toi aussi, t'étais écouté, c'est tous pendant 5 minutes. Beaucoup, là. C'est un moment important. Mêlée pour les Irlandais. S'ils viennent à marquer maintenant, il y aura danger. Belle sortie. Oh oui, belle sortie. Est-ce qu'il y a un décalage ? Il n'est pas fait, si, cette fois-ci, c'est pas bon. Petit côté. Touche. Bonne défense française. Une marque déposée auprès des tribunaux et des fédérations internationales. La défense française. Un produit. Ouais. Non, c'est ça. Indispensable défense française hein, dans ces grandes compétitions. où il faut batailler face à l'adversité. Bien, bien. Hein? Bon, on peut arrêter la musique, les gars. Sur le même réseau. Ouais, sur le même réseau. On s'est fait un peu peur comme ça. Donnez-nous. De temps en temps, ça nous fait du bien, mais là, ce n'est plus bon du tout. Arrêtez. Redonne-moi du mou, Joulou. Tu chattes toujours? Ballon remonté par Ibagnol qui pousse dans tous les sens, Ibagnol qui tire et qui rentre, sortie pour Clara. La France va pouvoir se dégager, peut-être. Dégage. Finalement, non, on ne le fait pas sur le premier temps de jeu, t'as vu, on resserre une fois de plus la défense et cette fois-ci, on va transmettre la balle derrière à Trudy qui va pouvoir dégager son flanc. Manifestement, nous sommes dans l'Ulster. Oui, vous voyez ça à quoi? Non, c'était marqué sur le sol. Ah ah! Ulster du foie, vous voulez dire? Que je vous sers. Ou de l'estomac. Bien sûr. Attention, on voit cette attaque tranchante. Hein, lui. Vous êtes qui? Je suis Jacqueline Sportas, pourquoi? Beau plaquage. Oui, ils s'y sont mis à deux, Poitrine de Veau et Clara Morgan. Autant dire que... Ouais, oui, c'est plus la fête. ...n'avait aucune chance de s'en sortir. Touche pour les Irlandais, toujours dans le camp français, il y a 15-15, nous jouons depuis 52 minutes et 27, 28, 29 secondes. Oui, pas dire que ça festoie tout à fait dans ce rugby de champ. Non, hein, effectivement. Alors c'est un rugby triste, hein. c'est un dimanche terne pour si le rugby. Pas triste, mais... Un petit peu terni. Boucherie qui a plus ballon, Boucherie qui peut la donner, oui, c'est fait, avec Ibagnol. Ibagnol qui se sent seul et qui attend bien sûr un copain, un partenaire. Oui, deux. Voilà. Deux. C'est comme ça que ça avance. Ah, hein. À deux. Jacques, oui, à deux. Ouais, voire à 15 le plus souvent, oui, il faut encore venir bastonner. Est-ce qu'on en récupère la balle? Visiblement, c'est bon pour le tricolore. Oh. Quelle férocité dans les points de rencontre. Sortie de boule. Ah bon? Pour. ah bon? C'est étonnant, j'ai rien vu. Prévenez quand même les gars quand il y a des animations comme ça. Ah. Et c'est parti pour le France. Petite affrontonnade. Ouais, Ibagnol, il y va comme il faut. Hein, aussi au carambolage, ça lui fait pas peur en sortie. Il a du mal à la sortir cette balle. Clara. C'est dur à dire, il a du mal, Clara. Regardez là, Clara qui trifouille à l'intérieur, qui fouille son partenaire, qui évidemment n'en sortira que dalle. Mais elle est pour les Français. Une traduction, bien sûr, mais on est juste très loin, si ce n'est qu'au milieu du terrain. Oui, alors c'est très loin pour les deux équipes, finalement. Hein. Ah ouais. Oui, c'est ça qui est embêtant. Aucune des deux ne peut marquer rapidement, si je comprends bien. Oh là là. Oh là là. Brutus va rentrer. Carla Brutus. Bien coiffé, c'est vrai. Hein, il a eu un petit côté coquet qui rappelle effectivement la femme du président. Si ce n'était cette pilosité développée, quoi que nous ne savons pas tout. Non, il vaut mieux pas dans ce cas-là d'ailleurs. Ah non, il va remplacer, il faut entrer Brutus à la place de Clara. C'est non. Étonnant. Ah oh, si, si, si. Ça va être terrible. Ça, non, il y a deux entrées. Bien deux sûr, entrées. Et trois sorties. C'est une belle discothèque. Vraiment, deux entrées, trois sorties. Bravo Jacques. Tu fais tout petit, hein. Brutus, ouais, donc. Tu fais tout petit, Brutus. Oh là là, quand il remue la tête comme ça, c'est pas bon signe. Ça fait c'est vraiment pas bon signe. Mêlée pour les deux équipes, c'est ça qui advient avec la mêlée. C'est beau. Je vais vite fait jeter un coup d'œil, voir si nous avons quelques messages en suspens. Le ballon est remonté par la France avec Bertrand. Ah, il est passé, Boucherie, cette fois-ci, c'est laissé, c'est goal. C'est bien, goal. Bien, intérieur, extérieur, extérieur, goal de Francia. Que c'est Saint-Médard qui est allé marquer le goal de Francia. L'entrée de Brutus immédiatement. It's good coaching. Bonifie le jeu français. Bravo Brutus, Tukoku et Fili. Et c'est français. Ah voilà, c'est Boucherie qui a démonté son adversaire. Terrible, terrible cartouche qu'il lui a mis. Et là, Médard n'a plus qu'à finir le travail, mais il va très loin. Et c'était juste. Ralenti d'en face, mais c'est du bon essai. Alors nous avons une question de Maz qui nous dit c'est sympa quand même de voir Clara jouer au rugby, à quand des matchs de foot? Merci Maz. Ça se passe comment? Et comme ça, vous envoyez le message et puis moi je le lis en direct et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va regarder ça tranquillement, hein. Ouais, je continue de visionner un petit peu. Attention, c'est quoi? C'est fini. Cache-vous. Cash Willy. Cash oui. Willy qui va tenter de transformer. Il vient à peine de rentrer. Cash Willy est d'entrée. Il a une lourde charge. Ça va bien. Mais oui, mais c'est parfait. T'as vu le gars un petit peu. Il arrive. Il est pas chaud. Rien du tout. Il y a un truc à passer. Je passe. Je suis pas décoiffé. Je regagne ma place. Affaire réglée. Quel professionnel ce Cash Willy. Et on voit le carton de Boucherie. Boucherie qui va démonter le défenseur adverse. Oui, et qui offre ensuite, bien évidemment, la balle laissée. Tout petit verre tout de même hein, ouais. Qu'il a démonté. Magnifique, et c'est devant la communauté française qui s'est réunie ici à Dublin, Belfast, voire dans le Ulster. Dès que nous aurons fait le tour de l'Irlande, nous vous transmettrons bien évidemment les informations. Attention, la France prend 7 points d'avance. La France qui a dû passer une mammographie hein, avant le match. Ah bon ? En son sein, tu veux dire ? Jean-Louis, tu es prêt parce que ça va repartir. 22-15, affiche le score Jean-Louis en gros s'il te plaît, si ça n'a pas déjà été fait, tu es gentil. Voilà, c'est non, bien. Non Jean-Louis, tu avais compris, c'était une mammographie. Voilà qui devient intéressant quand même pour la formation tricolore. Le ballon est sorti par les bleus. Allez les bleus. D'accord, mais enfin, il va falloir remonter tout le terrain ou trouver une touche, c'est fait. Ah, il trouve la touche. Pas de soucis de ce côté-là, je t'énerve pas, t'inquiète pas. Tu sais ce qu'on va faire, on va peut-être même pouvoir prendre un petit jingle le temps qu'il joue cette touche tranquillement, qu'il ne s'énerve pas. Oh, nous allons souffler quelques instants. Ah, j'ai un répertoire, il est ouvert à la lettre C. Comme à la maison. Radio Sportaz. Et l'émotion Sportaz. Comme à la maison. Comme à la maison, c'est... Effectivement, hein, Sportaz, je vous le rappelle, fait en direct de la maison. Dans le studio, monté dans le salon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Si c'est ça qui est bon. Parce qu'on aurait peut-être tendance à l'oublier parfois, Jacques, tellement la qualité de cette émission dépasse le cadre de son studio, bien évidemment. Sauf quand ça tue. Oh, ça tue. Attention, Monsieur Pharaon vient de sortir une bandelette, Jacques. Ah oui. Et c'est intéressant, il vient de sortir une bandelette, de lire le message qui était inscrit dessus, il se l'est recollé tout seul. Monsieur Pharaon, magnifique. Je suis dans l'os. Je ne vois pas ce que ça vient foutre là-dedans. Allez, à boire pour tout le monde. Ah, ça fait du bien. Hein. Même les huiles, là, s'en panne un petit peu. C'était l'instant boisson qui vous était proposé par Radio Sportoz, bien évidemment. Nous sommes, je vous le rappelle, le 13 février 2011 et nous sommes en... Direct. Fresh. Attention, Mélé. Mélé, si tu savais. Ah, j'y vais. Tout le monde y va, quoi, s'il est bien compris. Allons-y, alors. Mêlée en 30. Oui. Ce qui est intéressant. Hein. 16, hein, Jacques. Ils sont 16 dans la mêlée, donc 32 pattes. Hein. C'est pas faux, tandis que Brutus était déjà prêt à aller crever un Irlandais et que du coup il est obligé de s'arrêter. Et ça le frustre terriblement. Remêlez donc, puisqu'elle s'est écroulée. Il faudra un jour. Toi aussi. Bon, je vais rester assez. Un petit peu, je reste. Il faudra régler ce problème des mêlées, Jacques. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. C'est que tout s'en mêle. Je n'ai pas compris, madame, ce que vous avez dit. Veuillez m'excuser. Parce que Jacques met le doigt à la technique pour rallumer son écran. Avant, c'est bleu. Cette fois-ci, c'est une pénalité. Tu as vu comment il te ramasse le ballon, Brutus ? Ouais, d'une main. Avec le petit doigt. Trois doigts. Le petit doigt et le pouce, il ramasse le ballon. C'est vous dire quand il vous prend la tête dans la pogne. Le ballon étant signalé, arrêté, c'est une pénalité pour les Français qui vont pouvoir creuser l'écart. Et là, ça devient particulièrement intéressant. Tout à fait intéressant même, dois-je dire. Tu seras à Lille ? Quand ce soir ? Aha ! Et si on vous réservait une surprise ? Hein ? Quoique deux matchs dans la journée, il faut se méfier quand même. Hein ? Je vous connais. Ce soir, 21h, Lille-Toulouse en direct sur Radio Sportaz. Voilà, c'est fait. Oh, le bas de combat ! Pour se préparer, merde. Ah ouais. Là, vous l'avez annoncé, là, mais furtif. Allô ? Allô ? Jean-Loup, tu confirmes ? Tu dates. Attention, Digital Audio Throatcast. Cash Willy qui va tenter tranquillement de mettre cette pénalité. C'est à côté, dommage. C'est juste à côté. Et ça laisse un bon sursis pour les Irlandais. Toujours 22. Oh, que Nelson Montfort. Téléperso. C'est à côté, oui, mais la première, il arrive, il est pas chaud, et dès qu'il est chaud, il se loupe complètement. Une fois de plus, Sextoy essaye de faire rentrer ce putain de ballon dans la pelouse, mais ça ne marche pas. Et c'est dégagé tranquillement, récupéré pour Ibagnol. Jean-Loup m'indique hein, qu'il y a Red Star Poissy hein, juste après ce match, mais nous n'y serons pas. Ah, Red Star Poissy, vous dites. Je crois que c'est Nadine de Rothschild. Qui commente, d'accord. Bon, on sortit pas, Cash Willy. C'est vrai qu'il y a un côté Red comme Star. Cash Willy qui a amené ses partenaires et on a perdu la balle hein, aux interventions, de Monsieur Pharaon, on a fait n'importe quoi du côté. On n'a pas pris les tickets au bon endroit. Ouh, il est pas content Brutus. Oh là là. Ça va aller. Ouais mais quand il sourit comme ça c'est qu'il prépare un mauvais coup. Père et Beauvois. Que s'est-il réellement passé? Brutus est là. Oh, il en tamponne un, il en tamponne deux. Et ensuite. Eh ben quoi? Et ensuite, eh ben là quoi? Il lâche, mais il se fait marcher légèrement dessus. C'est un. Ça rien passé, quoi, en gros. Coup franc hein, pour les Français qui dégagent en touche. Pénalité. Dans les 22. Hein. Ah oui, coup franc, non, pénalité, coup franc. Touche au bénéfice des Tricolores qui vont pouvoir aller se faire un petit truc sympathique, c'est-à-dire marquer pourquoi pas des points supplémentaires, ce qui crève définitivement l'Irlande. C'est plus ou moins, mais enfin, en même temps. Qui m'a fait peur? Espérons quand même que. Qui m'a fait peur? Ce son m'a fait peur. J'ai peur. Allô, Spartans? Allô? Non, véritable. Oui, bien sûr, c'est tout à fait véritable. Le ballon est. Alors, le ballon est. Est-ce que tu sais à qui le ballon, toi, là? Tiens, est-ce que là, tu saurais le dire, toi? Pour les Français qui reculent. Ah, ouais, tu dirais ça, toi. Hein, les ravances, c'est curieux, hein. Le ballon, le rugby, le seul sport où on ne voit pas du tout où est l'objet du désir et du délit. C'est assez curieux ce qui se passe en ce moment. Ils sont sûrs qu'il y a le ballon, là, quand même. Curiously. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'il y a le ballon? Il n'y est pas, le ballon, arrêtez. Arrêtez. Pénalité pour la France. Ce fut ça. Et là, c'est 3 points à prendre. Hein. On écarte un petit peu l'angle, effectivement. C'est 3 points à prendre. Et monsieur Pharaon va les discuter. Va les discuter soit avec son assesseur, soit avec. Voilà, je vous ai vu faire tout à l'heure. Hein, je vous ai vu. Alors, vous arrêtez immédiatement de faire ça parce que c'est interdit. C'est interdit sur la pelouse. C'est pas bien. Ouais, il est 13 déçu. Ah. Quelle température ici à Dublin où il fait très bon pour jouer au rugby. Pas tout à fait musique de Dublin, là. Les gars, essayez au moins de préparer un truc quand on part quelque part. Chouchou. Voilà, les changements. Au garage qui va rentrer. Au garage qui va essayer de mettre un petit peu. On a accéléré le pitch. Et ça va beaucoup mieux. Au garage qui va tenter de mettre un peu de clairvoyance dans le jeu irlandais qui en manque proprement aujourd'hui. Ouais, il a manqué hein, ce joueur pendant toute la partie. On en a tellement rêvé qu'on en avait déjà parlé. Et voilà. Au garage. Ah non, lui il sort. Hein. C'est Sextoys qui sort. Je pense que Sextoys est usé, un peu fatigué ce soir, et qu'il laisse sa place. 62 minutes, 33 secondes, 34 secondes, 35. Non. Vous avez dit ça comme si vous aviez chier dessus. Oh, c'est quand même. Jte.com. Oh, cette fois-ci, c'est parti pour Cash Willy. Il réussit le plus difficile quand il loupe le plus facile. 3 points de plus pour l'équipe de France. Dans les miches. Europe. C'est bon, presque ça. Un drop, oui, on va le dire. Boum. Non, c'est une pénalité en bonne et due forme, Jacques. Avec maintenant la télé qui lâche toutes les 3 secondes pour Jacques, qui est obligé de descendre et monter régulièrement et d'appuyer sur le bouton pour relancer son écran. 25-15, 10 points d'écart et le 18 va empeigner le vieux. Là. Il discute, mais il va l'enfler si ça continue comme ça. Et Jean-Pierre Lafournaise sort pour laisser sa place à Fion. Apparemment, le 18 qui est secouriste. Ah! Vous avez des informations? Oui, apparemment. Oui, dites-nous, Jacques, allez-y. Bière par jour. Combien de bières par jour, Jacques? Oui, si j'ai pas bien compris. Notre question. Le 10 points d'avance. Est... Oui, 10, 25, 15, c'est ça. Hein, c'est... Oui, je plus 10. Suppose, plus 10, j'en retiens. Je ne retiens rien. Combien il y a? Serein pour faire le demi-d'ouverture? Non, c'était bien sûr Yav. Oui, Cash Willy, Jacques. Hein. Yav, Cash Willy. Oui. J'aime bien Yav. Oui, si tu veux, écoute, on garde. De toute façon, au point où on en est, là, le ballon est sorti par les Irlandais qui se doivent d'aller au moins chercher le match nul. Au moins d'aller chercher quelque chose. Et tamponnade. Il est tombé sur Brutus. Brutus qui vient d'en démonter 2 en 30 secondes. Et le ballon est ressorti pour les Irlandais qui jouent avec le garage. Et oui, au garage, il a compris qu'il fallait déjà aller jouer dans le camp des. Tu vois, dans le camp adverse. Et oui, si on espérait. Pour la touche, ouais. Si on voulait espérer marquer. Pas d'en avant, s'il touche. Voilà tout simplement ce qu'il leur fallait faire aux Irlandais. Venir jouer dans le camp français. avec l'appui du peuple derrière, peut-être ils pourront marquer. Non, écoutez, ne courez pas. Dire quoi? Ça décolle sec hein, chez vous ce soir. Hein. On ne sait plus d'où ça part, mais ça décolle dans tous les sens. Hein. Ouais, j'allais le dire. Oui, moi aussi. Mais je l'ai dit avant, donc tu la fermes. Touche pour la France. Tout, tout, touche. Tout, tout, tout, touche. Tout, tout, tout, touche. Et tous un peu touche, oh, voir sur la négocier. Touche. Attention, attention. Allende, petit vert, petit vert. Oh, petit vert, il a pris gros bleu. Sortie. De... Gros bleu pour petit vert. Sorti. Ah, il n'a pas le droit d'y aller. Oui, Marcassin, le fougueux sanglier. Au ras de la mêlée, oui. Au ras de la hure. Attention, ils s'approchent. À chaque fois, ils font 2-3 mètres de plus. Champignol. On est dans l'embus. Ils avancent. Oh, on n'est pas loin, là. Hein. Ils marchent dessus. C'est peut-être affreux, ce que nous avons vu. Si tu veux y aller tout seul, tu n'y arriveras pas avec... Grosvert. Templeman, qui est refoulé par la défense française. Allez-y, on est très près. Il ira pas tout seul comme ça, Coco. Eh non, oui, mais regarde comment il est mort, mais il donne le ballon quand même. Ça va craquer. Non, tu ne crois pas. Ça ne peut pas craquer. La défense française est complètement forte. Les Irlandais n'ont aucune inspiration pour aller marquer, même si là, oh là là, public est fou, chaque fois derrière. Comment est-ce qu'il peut marquer? Les Irlandais à 1 mètre, repoussé à nouveau. Pistole repoussé comme il faut, avec du foutoir qui s'est collé. Sorti le ballon pour les Irlandais. Il tente tous les coups. Ça défonce de tous les côtés. Green. James Green. Sortir. James Green. Ouais, pas mal. Mais... Patrice McNee. Les Français, bien en place. Ah, pas pour longtemps, parce que là, ils écartent bien. Attention. Oh, avec le grand, gros costaud. Brutus. Magnificus. Brutus était là. L'homme et demi. Sorti de verre. Dis comme t'as vu comment t'as salopé cette action. Oh, c'est pour quand même de dire correctement. Sortie de balle pour les Irlandais. Et tu vas voir que de suite ça allait beaucoup mieux. Voyons. Là il s'épuise. Hein, il s'épuise à essayer de marquer comme ça. Au ras, mort. Non, écarte, j'en fous. Carla, non, Jacques et Clara, je joue plus. Tu peux te relâcher. Clara, toujours ne joue plus. 10 points d'écart effectivement entre les deux équipes. Mmh. Ça ne booste pas côté vert. C'est la tamponade. Hein, c'est un petit peu curieux ce qui se passe sur cette pelouse. Et on progresse du côté irlandais. 1 mètre gagné, 2 par-ci, 3 par-là. Il s'approche de l'embut. Un peu de l'impressionnisme rugbystique. Hein, c'est-à-dire, c'est comme un tableau. Mm-hmm. On ne mange pas de pain. Vas-y, précise un peu ta pensée. Écoutez, c'est un peu symbolique. Hein, comme rugby, on ne marque pas de points. On a beaucoup d'intentions. C'est beau, c'est magnifique, c'est bien réalisé. Mais il n'y aura aucun point là. Moi, je comprends. Ah, aucun point, vous dites. Attention, parce que lui revient vers l'intérieur. Il ne joue pas si mal. Il la donne à un partenaire. Aucun point, dit Jacques. Eh bien, écoutez, nous allons prendre le pari et suivre cette action jusqu'au bout. Une action interminable, parce que ça fait déjà 150 fois qu'ils se regroupent, qu'ils s'écartent, qu'ils se regroupent. Alors, on ne commente pas tout, bien évidemment. Ouais. Vous l'avez compris. Et vous le savez. Vous nous êtes combien d'ailleurs? C'est une très bonne question que tu as lancée, Jacques. Au moment où les Irlandais vont marquer cet essai, d'après moi, et non d'après Jacques, nous sommes 16. Nous avons un remplaçant désormais. Vous êtes 16 à nous écouter. Ouverture. L'Irlande va-t-elle marquer? Ouais. L'Irlande le mérite, hein, quand même. Un petit peu. Oui, la bonne petite. Oh, le mauvais coup de pied, dommage. Mais finalement, un coup de pied qui sert. Et goal par l'Irlande. C'est vrai, ça. Et si, c'est goal. Jean-Loup, un coup de pied foiré qui vient donner l'occasion aux Irlandais de marquer. Nom d'un ninja vert. Je pense qu'il a réussi à marquer avant d'être propulsé en touche. Hein. À mon avis, c'est bon, monsieur Faron, demande le sarcophage vidéo. Ouais. Une exclusivité dont il est le seul à pouvoir, bien évidemment, se servir. Le coup de pied complètement manqué, donc c'est un en avant, finalement. Puisque le coup de pied est manqué, Jacques, il a lâché le ballon en avant. Et là, il y a bien essai, mais... En avant. Là. Ah, tac, tac, oui, c'est bon. C'est goal. Parami, c'est goal. Mais il faudrait voir avant si le coup de pied est manqué. C'est un en avant. Ah oui. S'il n'a pas touché le ballon avec le pied. Monsieur Pharaon attend les indications de Amenofis. Amenofis et tout en Cameroun sont en train de regarder sur la vidéo Schmutz. Ah, que non. Ah, est-ce qu'il y aurait un en avant sur cette passe-là? Là, il n'y a rien à dire. Rien. Le coude sur la ligne blanche avant que le ballon soit aplati. En même temps, c'est possible. Ah, avant-il l'accorder? Oui, non, dépêchez-vous les gars, on n'a pas que ça à foutre. Et c'est accordé. Pour la deuxième fois, la vidéo vient confirmer. ce que tout le monde savait. Troisième essai, Irlandais. Et c'est vrai, ça. Il se rapprocherait que ça ne m'étonnerait. Ah ben là, il se rapproche de toute façon. Ils sont à 2 points et avec la transformation, ils reviendraient à égalité. Donc... Hein? Non. Eh ben si. Non. Ah non, non. Il y avait 10 points d'écart. Oui. Bien joué, Jacques. Ah non, non, non, non, non, il y aurait toujours 3 points d'écart. Donc oui, il y en a 5. Oui, oui, oui. Il y en a 5 en ce moment. Encore un essai, attention. Au garage. Quel suspense. Il a une panthère sur lui, le pauvre gars. Attention, oh, et ça c'est bien, bon. Oh, c'est bien, beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Poteau, oui, c'est goal. Le poteau rentrant. 3 points d'écart. Ouh là là là là là là là là là. C'est chaud ici ce soir. Ouais, beaucoup d'espoir pour les deux équipes qui fournissent un super jeu. Ouais, mais Jean-Louis, moi, c'est le petit coup de pied à suivre manqué que je voudrais revoir. Sous un autre angle, tu es gentil, Jean-Louis, mais t'es con. Ouais, je sais, mais n'empêche que quelqu'un doit faire quelque chose. Jean-Louis, normalement, il doit faire quelque chose. Jean-Louis, 3 points d'écart pour les Français. Oh là là. Bon, une petite musique d'endormissement, bien évidemment, pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Tu as chaud ? Toi aussi, tu as chaud. Merci pour la musique. Libagnol qui récupère ce ballon pour les Français. On a vu Brutus qui a feinté l'emboutissement pour aller faire un crochet. C'était mieux. C'était mieux de ne pas le faire, peut-être. Doucement, messieurs. Ah, ouais, attendez, on est un peu bousculé ici. Tout le monde est content. Ah, oui, c'est la kermesse. C'est un peu la kermesse. Ah, vous, Françoise ! Françoise ! Ça va ? Ah ben ouais, non, c'est pas gagné encore. Nous sommes à 25-22. 3 points d'écart seulement. Malgré cette petite musique qui tente d'endormir tout le monde, ça continue derrière. Et attaque française. C'est-à-dire que le téléphone portable, c'est l'outil par excellence du raccrochage facilement consenti. Est-ce que vous pouvez préciser, madame, votre pensée ? Parce que là, j'ai pas tout saisi. De s'excuser. D'accord, continuez. Je te laisse, j'arrive. D'accord. Bienvenue. Très bel appui. Bienvenue, madame. Merci. Il y a effectivement un blessé du côté irlandais, ce qui va nous permettre, à nous, une fois de plus, oui, d'aller récupérer ces fameux jingles que vous nous réclamez à ouais, corps ouais, et à cri. Dont nous sommes très, très flairs. Sportage. Parce que notre aptitude à parler de nous-mêmes s'est réduite, nous crions, nous chantons, nous hurlons jusqu'à nous égosiller. Ainsi respirons-nous, pour regagner le droit à ce don divin, pour nous ouvrir. Sportage. Alors pendant ce jingle, pendant ce jingle un peu spécial, on a revu effectivement l'action incriminée et il n'y a pas d'en avant puisque effectivement il touche quand même le ballon avec le pied, Jacques. C'est mixtique. Oui, le jingle était un peu particulier. Ou quel comment Brutus qui se lance maintenant dans des travaux d'élégance et de 10 minutes à jouer. D'efficacité absolument remarquable. Avec l'ordonnance. Bien joué, vous me prendrez ça et ça 3 fois par jour. Avec du foutoir qui tente d'y aller seul, mais il est pris par la défense irlandaise. Il va pouvoir livrer. Là, c'est plan trop serré, Jean-Louis. Voilà, essayez de t'appliquer maintenant. Hein. Moins de 10 minutes à jouer dans cette confrontation. La France est toujours devant de 3 points seulement. Là-bas, les Françaises. Vous y avez fait rentrer l'abusé tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça en ce moment. Du foutoir qui transmet impeccablement à Ibagnol qui a pris, me semble-t-il, du poids et qui défonce les défenses. Oui, on veut remettre un essai au côté français ou un drop pour s'éloigner, merdard, et finalement ce ballon a été lâché en avant 4 fois, donc ce sera un en avant 1 fois, bien évidemment. Une seule et même mêlée. Et j'aimerais vous demander si vous voulez, est-ce que vous voulez du pâté de tête, Jacques ? Non, du pâté de thon. Il n'y en a pas. Festival du cinéma de Berlin. Ah, il n'y a que là-bas qu'il y a du pâté de thon, apparemment. Ah oui, Huguet, là, il n'a pas été servi dans des bonnes conditions. Il n'a pas pu faire valoir son potentiel énorme. Tout est possible. D'après des amis communs. Ouais. Ça va bien ? Non, ça va pas bien. Non, ça va pas bien pour lui, là. Respirant un peu, comme lui. On est en train de jouer de poker. Hein. C'est un joueur de poker qui vient de se faire battre sur un fou Losas qui a du mal véritablement à s'en remettre. Jamais il n'aurait cru que l'autre salope avait les quatre valets. Difficile hein, de se faire mettre au carré. Oh, je me harre. Jean-Louis, c'est une mêlée. Et nous sommes encore dans ce match, hein, contrairement aux apparences. Ouais. Nous sommes encore quand même dans ce match. Il en reste, hein. Oui, il nous en reste, bien évidemment. Ouais, ouais. Mettez tout. Jean-Louis, mets tout, Jean-Louis, c'est le moment de lâcher la furie. Jack, ouvre, s'il te plaît. Comment elle te parle, ta femme? C'est quand même quelque chose. Et Monsieur Pharaon qui était discret, Jacques, malgré son maillot. Que je salue. Hein, malgré un maillot c'est assez voyant finalement. C'est vrai qu'il faut oser mettre ce maillot. Vous avez des baffles magnifiques, monsieur. C'est vrai, hein, baffles portables et qui marchent à la tête. Magnifique enceinte personnelle. C'est mon travail, bravo monsieur. Et monsieur Pharaon là qui se demande qu'est-ce qu'il fait avec cette mêlée. Ça a déconstruit là. C'est pas son truc à la mêlée, monsieur Pharaon. Lui c'est plutôt la pyramide quand même, il faut le savoir. Et c'est une autre constructivité. Absolument, oui, et puis ça tient la pyramide quoi. Ça tient, la mêlée ça s'écroule tout le temps. C'est fait n'importe comment, c'est un petit peu dégueulasse. Et on fait rentrer Zoisillon. Ah, non, il est parti travailler Zoisillon. Ah, si, il va rentrer quand même. Là, il faut qu'il attende que la mitrouille se tire. Un mitrouille hauteur de quelque chose, hein, hauteur aujourd'hui. Hauteur de 1m70. Ouais. Okay. Environ. Ah, oh, qu'est-ce qu'on rigole. Non, Sportaz, 708. Elle est perdue pire qu'un pan d'elle-même. Elle... Ah, si vous avez perdu pire qu'un pan de vous-même, je me demande ce que ça peut être. Melee again. Melee again, vous dites. Oui, oui, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, je trouve. Again, melee again. Jeu haché. C'est vrai, c'est difficile de se lancer dans cette partie. Hein. Tu fais bien de le signaler, Jacques. Où en êtes-vous? Vous êtes à l'amour, monsieur. C'est la commerciale Wanadoo qui vient de passer. Je pense qu'on n'y a pas dit que ça allait changer de nom. C'est pas tout à fait ça, mais... Prévenez vos commerciaux quand vous changez de raison sociale. Soyez gentils. C'était une pénalité signalée par Monsieur Pharaon qui va donner la possibilité aux Irlandais de se dégager. J'ai été bouffé. Dégage. Oh, qui a fait ça? Personne. Ah oui, si, Hugo Lloris a sauvé la balle. Oui, ah bon, sans faire en avant. Hey, qu'est-ce qu'il dit? On a repris le ballon alors qu'on était devant. C'était trop du foot. Bêtise peut-être. Alors qu'Ibagnol avait quand même magnifiquement sauvé ce cuir. Regarde Ibagnol, palpette de ventre. Regarde, voilà, magnifique ce joueur. Des pectoraux comme des mous. Énorme mousse. Eh bien, pourquoi tu ne remontes pas l'action, Jean-Louis? Parce que ça joue en direct pour une touche de merde, Jean-Louis. Jean-Louis, non, une touche de merde. Non, mais quand même, comment vous y allez, vous aussi, là? Mais l'état de la météo, le... Tout le monde se lâche, maintenant. Ouais, la météo, Jean-Louis. Berlin et moi-même avons toujours essayé de faire venir les frères Cohen. Ah oui, il le met en avant ce ballon et l'autre qui est devant reprend quel... Ah, alors là, fiancé, je crois qu'il avait fait un geste technique tout à fait fabuleux. Il a un frère, le maire de Toulouse. T'as entendu quelque chose? Non, pas vraiment. À part le train qui est en train de partir, là, Saint-Agne. Le train qui passe à Saint-Agne, mais... Saint-Anne. Non, Saint-Anne, c'est autre chose. Pardon. Tu finiras un jour. Oui, ballon français avec un super dégagement de Jean-Louis Cotofieff. Jean-Louis Cotofieff qui a mal transmis la balle et l'Irlande qui attaque. Avec Peter, ouais, c'est bon, ça. Peter Ustimov. Grande sautée, fricassée de verre. Oui, fricassée comme il faut. Mâche. Fricassée de verre, mâche, effectivement. Et il y a eu cet en avant que l'arbitre n'a pas laissé passer. Il l'a vu, bien évidemment, Monsieur Pharaon, puisqu'il voit tout. En avant irlandais, ce sera une mêlée au bénéfice des Français. Moins de 5 minutes à jouer. Et 3 points d'avance pour les tricolores. Le suspense dure encore. Les Irlandais pourraient pleurer d'être aussi près. Oh là là, ils vont faire rentrer un Rookmout. Côté irlandais, on va essayer de transformer ce match en une espèce de partie de peinture, semble-t-il, en faisant entrer un Rookmout. peut-être. On sort Kranchov pour faire entrer Rukmout. C'est la surprise que n'attendait pas le pack français. Là, il est étonné. Le pack français est étonné. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils nous ont foutu en face? Défoncez-moi ça. Et on n'a pas fait la vie. Pardon. Mais les Français, mais sorti magnifique avec... me semble-t-il, Brutus qui est allé faire Brutus qui a étoffé son jeu, oui, Jacques. Oui. Il a musclé. Il a pas besoin de muscler le jeu, mais il l'a étoffé. Ah oui, le plus fin. Voilà, il a affiné. Il a affiné. Tout à fait. Oh, sauf ici. Sauf là, ici. Mais bon, c'est entre nous. De temps en temps, il a quelques réflexes de bourrin. Et la France attaque, en même temps conserve la balle, ce qui fait tourner la pendule et qui lui donne une fois de plus un petit avantage supplémentaire quant au score et au finish de cette partie. Sortie pour le tricolore. 3 petits points, c'est rien. La joue. Oh yes. French team. Il joue le ball avec Tom Pepper qui donne à Brutus Mann qui a remis, non, il n'a pas pu la remettre, mais il n'a pas perdu la gonfle. Et c'est intelligent de sa part, sauf si monsieur... Non, il ne dit rien, monsieur Farrand. Ça joue. La France attaque à tout va. La France attaque par-ci, par-là. Se fait culbuter, mais continue à jouer. C'est maintenant qu'il faudrait marquer. 3 points d'écart. Avec Ibagnol. Un petit essai par la Francia et le match est cuit désormais. Ouh, la bonne balle pour du foutoir. S'il peut la livrer, dommage. Il plaque bien les Irlandais. Ah, hein, parce qu'il bloque les bras. Effectivement. Impossible de transmettre le ballon et d'assurer la continuité du mouvement. Sauf ici peut-être. Allez, French team. Il faut y aller. Il veut y aller tout seul. Pourquoi pas. On fixe d'après Jacques. Sorti de là avec Cash Willy qui transmet un petit partenaire, c'est aux oisillons qui foncent dans le tas. Étonnant pour un petit oiseau comme ça. Et sorti du ballon pour le France qui s'apprête à marquer. Pour gagner, même si là sont repoussés. Sorti tranquille côté français. Presque 2 minutes, et oui, il a le droit de le faire ça. Bien évidemment, s'il prend le ballon, il sera attrapé au moment où il l'aura. Et le ballon est français avec une petite transmission minable. Attention, si la balle est récupérée par les Irlandais, ça peut être la contre-attaque. C'est la contre-attaque. Visiblement, il y a eu un mouvement illicite. C'est la contre-attaque. C'est la contre-attaque. C'est avec un bourre pif intempestif. C'est la contre-attaque. Tic-tac. C'est la bonne contre-attaque avec John Peter qui se met le ballon. Un peu magnifiquement fait ça. Pour lui-même. Il va vite. Le bourreau ne sort pas. Il va vite. Ils sont là. Ils sont déjà là, les Irlandais. Oh non. 3 mètres de l'ambu. On n'est pas regroupé en défense. Est-ce qu'ils peuvent le mettre? Non. On va passer en prendre un maintenant. Récupération française. C'est du footwork qui a pris cette balle. On a eu chaud, Michama. Ça fait peur, ça fait flipper. Les Français qui ont récupéré. Temporize. Oh, dis donc. Ah, ils étaient sur le point de nous mettre un essai. Du footwork est venu récupérer ce ballon magistralement. Capitaine magnifique qu'il est. Sorti du cuir. On respire. Ah oui, ça va bien, dis donc. On a failli l'avoir dans le cul. Ça aurait été sympathique si on n'aurait été que partie remise. Puisqu'il y a 1 ou 2 ans, les Français avaient ainsi crucifié les Irlandais en marquant dans les dernières secondes. Mais toujours 3 points d'avance pour l'équipe de France. 3 points, c'est rien. Une erreur, une pénalité, une petite faute d'inattention. On attend avec impatience la prochaine séquence. Oui, ce sera quand le tournoi destination? C'est le 26, hein, le prochain match, me semble-t-il. Dans 13 jours, très exactement, ce sera un samedi. Je me demande si c'est pas le soir. Yes, it is, genre 18h, 19h, un truc comme ça. Non, plutôt 20h30, hein, je sais pas si ce sera pas ça. Enfin, il faudra vérifier de toute façon. Vous recevrez, toi-même tu fais. Oh yes. Un ballon mis, il suffit de surveiller sur le site. Et normalement, l'affaire est annoncée. Nous sommes dans les dernières secondes de cette confrontation. C'est une mêlée pour les Français. Et que dit l'arbitre? C'est terminé ou il dit pénalité? Oh, qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est fini? Non? Alors, il y a un changement ou il y a quelque chose? What is it? What says this referee, Mr. Farron? Comment? Ah oui, signaler donc un changement qu'il a accordé. Oh là là. Eh oui, il faut qu'il y aille. Il y a la vaisselle à faire. Ah. Il faut qu'il rentre, sinon maman va cogner. Il n'y a pas la machine, on a besoin de l'homme. Ah non, le joueur irlandais n'a pas assez, ne gagne pas assez en jouant son sport pour payer un lave-vaisselle à sa femme. Vous comprenez, hein, vous comprenez. Bon, décrassage juste après, on mange, on sera 6. Et on revient. Alors 9h on a dit, c'est ça, 9h. Hein. C'est sur une chaîne avec des traits partout si vous n'avez pas le décodeur. Pour les quelques-uns qui suivraient, c'est on jamais. C'est Toulouse, hein, c'est pour ça qu'on le fait. Bon, on fera ce qu'on peut, hein, on ne vous le cachera pas. Oui, oui. Ah, plus l'habitude. Derniers instants de ce deuxième match d'équipe de France de rugby à 15 tournois de destination, 13. La France victorieuse pour le moment, mais... Dernière seconde, zombie un peu pour les Irlandais avec un contre, peut-être, pourquoi pas. Sait-on jamais. Oh, attention, parce que là, s'il y a problème sur Mélène, l'arbitre peut siffler une pénalité et foutre tout le monde à égalité si c'est au bénéfice des Irlandais. Ah bon ? Et après tout, pourquoi pas ? Tiens, monsieur Pharaon, il peut se dire aussi, tiens, il mérite autant que les autres. Et si ça passe pas cette fois-ci, je sanctionne. Ce serait une contre-perf hein, pour les deux équipes. Oui, oui, oui, oui. Ouais, puis déjà, on ne peut pas dire que l'équipe de France est quand même, elle a pris 3 essais. Ouais. Au niveau défense, c'est pas GG. Et attention quand vous parlez parce que vous faites monter la sauce là, j'ai vu. C'est pas rassurant. Hein, j'ai vu que ça montait à mort. Je vois ça. Et moi ça branche pas rien. Parle toi pour voir. Mais tu me fous dans la merde. Et finalement c'est une pénalité au bénéfice des Français. Le match étant terminé, c'est même pas la peine de la jouer. C'est fini, la France a gagné, mais petitement. Voilà. En ayant encaissé plus d'essais qu'elle en a marqué, elle sort vainqueur de ce match, mais hein, Jacques, on reste sur notre faim. Oui, oui, mais l'équipe de France est en marche, comme aurait dit Roger. Elle boite, hein, quand même. Elle est en marche, mais elle boite. Regarde ça. Trois petits points d'avance, c'est à peine, c'est tout juste. C'était là. Pénalisé, les Irlandais pénalisés, voilà, c'est ce qu'il a. Mais par contre, 3 essais ils ont mis, tu vois, ils ont joué, c'est ça qui me plaît. Oh, celui qui a joué le plus a perdu. Quel dommage. C'était Sportage 708. Ouais. Allez, on se trouve tout à l'heure à 709, on sait jamais. Donc, pour enchaîner, comment vous faites ? Vous avez des secrets ? Vous allez faire du sport ? Vous regardez un disque ? Vous écoutez une vidéo ? On va se débriefer l'émission et on va pas mal se reposer. C'était les interviews, Jean-Loup, on n'a pas vu du tout. Mais des outils où le conflit est finalement beaucoup plus rare qu'il ne pourrait l'être étant donné l'engagement. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Mais alors parfaitement. On est parti, au revoir mademoiselle. Ah bah alors si c'est dans le désordre, au revoir monsieur. On a gagné. Une conversation de la page. Oh non, la chier. Bien que ça va aller très loin, ça. Mais ce fut un rude combat. La veste en cuir contre la veste en tuile. C'est la veste en cuir qui l'a emporté. Jean-Loup, prenez quand il y a les interviews. C'est typique, c'est quelqu'un qui va dire je me suis fait larguer et puis... Réunion. Tout le monde au point contrôle. Alors Jean-Louis, on fait plus, tu le sais bien, depuis qu'on est sur le net, on fait plus les interviews. Mais non, Jean-Louis, c'est décalé l'interview maintenant. Allez, fais un chenou. Ah, bravo. A tout à l'heure. 21h. Lille, Toulouse. Championnat de France, Ligue 1. Canal Mas. Hasta luego. Eh ben, Jim, pendant qu'on y est, puisque tu nous remercies, on te remercie à notre tour quand même pour tes petits sons sympathiques, mais sympathiques. C'était bon. Ah, mais tu peux tout planquer car la police arrive chez toi. Allez, au boulot, les gars! À suivre. D'accord. Oui. Avec les prénoms, on remarque qu'on s'en sortira mieux, Jacques. Hein, du côté sud-coréen. Oui, avec oui, les prénoms. Kim Film. Oui, non, mais il y a Sha, il y a Lee, il y a Kim, il y a Sha, il y a Bruce, il y a Lee, si tu veux aussi. Oui. Si tu vas par là. Non, la Bruce, c'est autre chose. Hein. Le Botswana n'est pas loin d'ailleurs. Un doux pays qui, en son temps, fit parler de lui avec un film Les Dieux sont tombés sur la tête. Oui. Qui avait gagné un prix d'humour. Absolument, Jacques. Mmh. Cette fameuse bouteille qui retombait sur le crâne. Souvenez-vous, l'intro de ce petit film, mais c'était à l'époque de Botswana doux. Eh oui, une bouteille de coke, hein, bien sûr. En verre à l'époque. Déjà sponsor. Attention, ça va débuter. C'est vrai qu'on prend ce match vraiment à la légère. Hein, parce qu'on sait que normalement, dans l'horaire est léger. Oui, déjà, l'horaire est léger. Samedi, on se rapproche quand même largement des vacances. Par contre, la température est lourde, elle. Oui, le coffre est plein aussi. Attention, ça va débuter. On va dire. Pour le time shift. Ah oui, oui, oui, c'est vrai, Jacques. Hein, on va le dire dans quelques instants, c'est parti, mais c'est pas parti encore. Non, on n'a pas dit c'est parti. Et quand non, on dira c'est parti, voilà. Vous lancerez l'image, vous relancerez l'image. J'espère que vous l'avez arrêté d'ailleurs. Oui. Dépêchez-vous, vous avez plus que quelques secondes. Okay, c'est parti. On l'a dit en même temps, mais il y a toujours une petite. Un dixième de seconde quand même entre le moment où on le dit et le moment où ça a été fait, mais c'est fait. Bon, c'est fait. C'est fait. Uruguay 0, Corée du Sud 0, on est bien en direct. Vous êtes bien 9 auditeurs sympathico. Rock'n'roll experimental. On commence à 9 aujourd'hui donc. Hein. Ça a commencé un petit peu avant, soit bien, d'accord, ça arrive, d'accord. Ça repart suivant. Chacun que... prend place, hein. C'est comme dans le stade, on arrive un petit peu plus tôt, on s'installe. Non, bravo à vous, chers auditeurs, bravo pour vos messages aussi d'ailleurs, et continuez. Merci à toute la bande passante. Attention à ce ballon qui est récupéré par les Uruguayens, parce que c'est irrégulier. Hein. Oh, en entrée, ça chie dans la défense sud-coréenne. Mais oui, mais les sud-coréens sont très très solidaires. Hein. Faut le savoir. Oui, oui. Discipliné, beaucoup solidaire. Plus qu'a priori l'Amérique du Sud, hein, dans sa culture en tout cas. Alors ce qui pourrait se passer, c'est que par exemple le Sud-Coréen marquerait assez rapidement, tu vois, et mettrait le doute dans la formation uruguayenne comme ici, avec une remontée de chi. Non, c'est chat. Chat, mais il va tirer, il va marquer. Chi. Oh, va dedans. Pas de main. Oh, quel dommage. Elle était superbe cette action. Il pouvait donner à droite ou à gauche. Don Juego. Il va chercher un appui sur le côté droit. Sûrement dans la surface de réparation. Quelqu'un va s'enfoncer. Il va s'enfoncer dans la surface. Magnifique. Tentative de frappe et d'effort. Et lane. Mais ce sera un ballon récupéré par les Uruguayens. Un des nombreux représentants de l'Amérique du Sud présents, oui. Jacques, à ce stade de la compétition, quand même. Hein. Oui, il n'y a que le Pérou qui. Ailleurs. Mais c'est plus le Pérou, Jacques. Eh non. Et la Colombie, bien évidemment, mais pour d'autres raisons. Sinon, il est équateur. Hein. Oui, exactement. Merci. C'est l'heure de goûter, et on va se déguster ce petit match tout tranquillement, comme ça, entre amis, hein, pratiquement, aujourd'hui. Vous êtes neuf. Comme on dit du côté des champignons, les pays hôtes. Oui. Enfin bref, je vais recalculer tout ça. Et si vous êtes neuf, nous, on est quand même assez anciens maintenant. Ça me pique. Uruguay,